19h mardi soir, tu te décarcasses pour savoir où passer ta soirée. Le concert de basse et de maracas est annulé. Et ta petite amie vient de casser. Tu te sens vraiment bluesy et t'as la haine. Tu te promènes tout seul sur les quais de la Seine. Les mardis de l'espace au café du bonheur te changent les idées, te remettent les acuaneurs. Les mardis de l'espace au salon du bonheur. Merci Michel. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de votre présence. Les Twittos sont là également, qui vont raconter, faire le récit de la soirée qu'on va vivre ce soir. Ils vont le faire sur Twitter et vous pouvez suivre donc le débat de ce soir. Le hashtag c'est KnessTweetUp. Voilà. Alors on peut donc commencer ce nouveau mardi de l'espace. C'est à chaque fois un rendez-vous une fois par mois avec le CNES, donc l'Agence française de l'espace. Et puis l'association Barre des Sciences Paris. Et ce soir, on se pose cette question et on va en débattre avec vous. Comment nos descendants monteront-ils dans l'espace? Quelles sont finalement les technologies qui permettront demain une exploration plus poussée de l'espace? Alors pour certains, c'est clair, il faut révolutionner les choses. On n'ira pas loin avec les techniques actuelles. Les techniques actuelles, elles ont montré leurs limites. La propulsion actuelle, elle repose sur des principes qu'on utilisait déjà dans les années 60. On a réussi à améliorer les choses, mais pas dans des proportions gigantesques. Il faut passer à la propulsion nucléaire. Il faut passer au nucléaire thermique, à la voile solaire même peut-être. On va voir quel est l'intérêt éventuel de cette technique-là. Et puis d'autres diront peut-être pas si vite. Pas si vite, la propulsion chimique, elle a encore de beaux jours devant elle. Elle a encore des tas de choses à faire. On va donc parler de propulsion ce soir, et puis on va parler aussi de tout ce qui permet éventuellement d'envoyer des hommes dans l'espace, et puis des engins peut-être aussi inhabités. On va faire ça avec vos questions. Donc je vais venir jusqu'à vous, je vais vous passer le micro, et puis vous allez pouvoir discuter directement avec nos deux intervenants de ce soir, que je vous demande de bien vouloir accueillir. Il s'agit d'Elisa Cliquet et Richard Edman. Bonsoir à tous les deux. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous voulez bien nous parler un petit peu de vous? Richard Edman, je crois qu'on vous connaît, on vous voit à la télévision, on vous voit interviewer, etc. Oui, alors moi, je suis un ancien ingénieur du spatial. Je suis toute ma carrière sur la propulsion d'Ariane. Mais pas dans l'agence spatiale, mais dans l'industrie, donc à la SNECMA, sur les moteurs à liquide essentiellement. Et donc je suis retraité, et un peu avant mon départ en retraite, j'ai fondé une association qui s'appelle l'association Planète Mars, qui a pour but de promouvoir l'exploration de Mars et l'arrivée de l'homme sur ce nouveau monde, et qui est la section française de la Mars Society. Ok, donc avec donc je vous... suis là un peu à ces deux titres. Ok, donc on va parler avec vous de la planète Mars, bien sûr. Et puis vous avez écrit notamment cet ouvrage qui s'appelle « Planète Mars, une attraction irrésistible » avec une préface d'André Braïc. C'est chez Alvic Éditions, vous l'avez écrit il y a quelques temps. Voilà, on pourra le consulter tout à l'heure si vous venez jusqu'ici après le bar des sciences. Vous pourrez regarder ce livre. Et puis Elisa Cliquet est avec nous aussi. Oui, bonsoir à tous. Alors, Elisa Cliquet Moreno, récemment, il faut que je le dise, parce que comme il est là-bas au fond... Elisa Cliquet Moreno, d'accord. Elisa Cliquet Moreno. Bonjour à Monsieur Moreno. Et donc, moi, je travaille au CNES depuis plus de 6 ans. C'est là où j'ai commencé ma carrière avec un stage de fin d'études qui était consacré à l'étude des scénarios et de la propulsion pour les missions martiennes habitées. Alors, bon, j'ai mis un petit peu le doigt dans le sujet de Richard, et c'est comme ça que je l'ai connu. Et en fait, depuis, donc, j'ai été embauchée au service propulsion de la sous-direction technique, de la direction des lanceurs. Et au CNES, donc. Au CNES, donc. Voilà. Et donc, bon, j'ai travaillé sur de la simulation des moteurs actuels, des moteurs en avant-projet. Et puis, j'ai toujours gardé une composante sur tout ce qui était la propulsion avancée. Donc, comment monter dans l'espace et puis comment après voyager ailleurs. Et puis, par contre, bon, je fais un peu le grand écart parce que je travaille au quotidien sur le moteur HM7 de l'étage supérieur d'Ariane 5. Et c'est un moteur qui vole depuis plus de 30 ans, qui vole depuis la première version d'Ariane 5. Donc, c'est un peu le grand écart. Mais c'est très intéressant de pouvoir bosser sur les deux à la fois. Alors, on va continuer peut-être le grand écart et en commençant par ce qu'on sait faire aujourd'hui. Est-ce qu'à votre sens, la propulsion actuelle, si on veut aller plus loin dans l'espace, si on veut envoyer des hommes sur Mars d'une manière un peu régulière, tous les 8 ans par exemple, est-ce qu'on a besoin de changer de propulsion ou est-ce que la propulsion chimique actuelle peut suffire ? Alors, c'est effectivement tout un débat. Si on voulait tout faire avec des technos type Apollo, c'est-à-dire des choses qu'on maîtrise actuellement. Donc il faut savoir que Mars, énergétiquement, ça ne demande pas quelque chose d'énorme par rapport à la Lune, même si c'est plus loin. Bon, par contre, c'est vrai que c'est plus loin, donc il faut quand même emmener plus de provisions. On part pour, 2 ans et demi. Hein. Donc en gros, 6 à 9 mois pour y aller, on reste 1 an et demi sur place, 6 à 9 mois pour revenir. Et si on développait rien du tout et on dit j'emmène ma propulsion pour pouvoir revenir, j'emmène ma propulsion pour freiner en orbite martienne, pour pouvoir descendre, pour pouvoir remonter, et puis bien sûr l'impulsion initiale, si je dois faire tout ça avec de la propulsion que je maîtrise actuellement. Donc si on emporte tout là. Donc si on emporte tout, absolument. J'emporte toute la propulsion, tous les ergols, tous les carburants pour l'aller-retour. Et la descente et la remontée, et ben au final, j'aurais besoin de l'équivalent de 10 Saturne 5. Saturne 5 étant le lanceur lourd qui est volé. Armstrong et ses copains sur la Lune. Voilà, et dont on ne dispose plus aujourd'hui. Et donc ça veut dire quelque chose comme plus de 2 fois la station spatiale internationale en orbite basse. En termes de masse. En termes de masse. En termes de masse, il faudrait envoyer 2 fois la station spatiale internationale. Oui, c'est gigantesque. Alors, on l'envoie cette masse-là, on l'envoie en orbite basse. Oui. Et après, on va consommer une partie. Hein, donc, ce qui arrive au bout, c'est beaucoup plus limité. Hein, c'est par exemple 40 tonnes à la surface. Mais quand on cumule tous les moyens de propulsion qu'il faut additionner pour toutes les différentes étapes, on arrive à ce bilan-là. Alors il y a des astuces. Ça, c'est envisageable. Richard Redman, envoyer l'équivalent de 2 stations spatiales internationales dans l'espace, en orbite terrestre, pour arriver finalement à envoyer quelques dizaines de tonnes sur Mars. Alors c'était effectivement ce qui était envisagé au moment du triomphe d'Apollo par von Braun. Non, le vrai but, lui, n'était pas la Lune, mais Mars. Bon, il a présenté des projets de cet ordre-là. Fort heureusement, en 1990, un ingénieur qui s'appelle Robert Zubrin, qui est le fondateur de la Mars Society, a eu des idées. La Mars Society, dont est issue l'association Planète Mars, hein, donc il y a un lien direct entre Zubrin et Edman. A révolutionné un peu tous ces concepts en proposant un certain nombre de moyens permettant de réduire considérablement cette masse. La masse initiale en orbite terrestre, qui est la façon de mesurer le coût en fait, du programme. Hein. Et ces moyens ne portaient pas tant sur le mode de propulsion, on gardait la propulsion chimique traditionnelle, mais sur des astuces pour lutter contre ce que disait Elisa, pour lutter contre la masse de carburant qu'il fallait emmener jusqu'à Mars. Alors, il y a deux moyens principaux de le faire. Le premier, c'est pour se mettre en orbite de Mars, au lieu d'utiliser un moteur et de freiner, donc avec du carburant qu'on aurait amené de la Terre, on va utiliser l'atmosphère martienne pour se freiner, entre guillemets, gratuitement. C'est ce qu'on appelle l'aérocapture. L'aérocapture, donc se freiner gratuitement sans avoir besoin d'utiliser... D'emporter du carburant. Du carburant. Bon, okay. Alors gratuitement, c'est un petit peu trompeur parce qu'il y a quand même la masse du bouclier pour se freiner, mais on y gagne beaucoup quand même. Et le deuxième astuce, c'est au lieu d'amener sur Mars... de descendre sur Mars le carburant de retour, on va le fabriquer sur place. Ah, on va fabriquer le carburant de retour sur Mars place. Pour ne pas avoir à l'emporter depuis la Terre. Alors, vous imaginez l'économie de masse. Alors, ça, c'est possible parce que l'atmosphère de Mars est constituée principalement de gaz carbonique, CO2. Et en faisant réagir ce gaz carbonique, donc, qui est facile de puiser en l'aspirant simplement, avec de l'hydrogène, on peut fabriquer un excellent couple qui est méthane-oxygène, qui est un bon propergol pour les fusées. Sous réserve d'en ait un petit peu d'hydrogène. Quand même. Oui, un moteur à méthane et hydrogène. Hein, qui un méthane et oxygène. Méthane et oxygène, pardon, qui permettrait de revenir sur Terre. Il y a donc deux astuces. Et donc ces astuces permettraient de réduire la masse à envoyer depuis la Terre. Oui, d'un facteur 4 à peu près. Facteur 4, d'accord. Donc ce n'est pas deux ISS, c'est une demi-ISS, c'est ça? Alors, ça dépend si on est plus ou moins optimiste. Hein. D'accord. Et si on est aussi plus ou moins ambitieux. La NASA prévoyait d'envoyer 6 personnes. Zubrin, lui, proposait de se limiter à 4. Alors, il est évident que le nombre de personnes dans l'équipage dimensionne aussi la mission. Ça dimensionne la mission, oui, bien sûr. Parce que quand on envoie un homme, on n'envoie pas juste 90 kilos comme moi, on envoie de l'eau, des consommables, de la nourriture. Okay. Ouais. Donc la propulsion chimique, avec la propulsion chimique, on peut aller sur la planète Mars, c'est possible. À moindre coût, à condition d'utiliser ces deux astuces-là. Mais on peut voir plus loin quand même. Alors qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Qu'est-ce que vous avez dans vos rayonnages à nous proposer, Elisa Cliquet? Alors, si on considère donc quelque chose qui serait pas forcément la première mission, mais quelque chose qu'on voudrait plus régulier, ou en tout cas une technologie qui serait aussi applicable facilement à d'autres applications, d'ailleurs pas que des missions habitées. Alors c'est vrai que une des alternatives qui est envisagée, c'est la propulsion électrique de très forte puissance. Alors là, le principe, hein, c'est que le moteur, au lieu de brûler en fait un oxydant et puis un carburant, en fait il va utiliser de l'électricité. Donc là, c'était le méthane hein, qui était le... On irait plutôt avec de l'hydrogène-oxygène. Hydrogène et oxygène, ça c'est bien connu. Voilà, pour l'aller et puis retour potentiellement en oxygène-méthane. Donc la propulsion électrique, là, cette fois-ci, on change complètement de mode de fonctionnement. Donc c'est plus de la combustion, mais en fait, on va accélérer, donc on va ioniser un gaz, on va former un plasma, et ce plasma, on va l'accélérer sous l'effet combiné de champs électriques et de champs magnétiques. Donc il y a plusieurs technologies possibles. Donc c'est un moteur électrique, le principe, c'est grâce à l'électricité, je suis capable de... D'accélérer un fluide. Un fluide, alors que c'est un plasma... Et ce plasma, c'est donc du gaz ionisé. Et on va éjecter les ions, les petites particules... À très haute vitesse. ...de ce gaz à très haute vitesse. Donc ça fournit une certaine poussée. Alors ça pousse beaucoup moins fort, en fait, que la propulsion chimique. Hein. Ça pousse aujourd'hui donc, un petit moteur qui a été développé par SNECMA, qui s'appelle le PPS 1350, qui fait 1 kW. Il pousse un peu moins de 100 mN. Donc ça existe déjà, hein, ça existe déjà. La propulsion électrique. Voilà. Et 100 mN, c'est quoi Par contre, ça existe. Alors 100 mN... Ça existe et c'est appliqué commercialement. Aussi, voilà. Oui. On pense faire des... Enfin, il y a des satellites hein, qui envisagent de faire des transferts d'orbite... Autour de la Terre avec ce système pour aller venir se positionner en orbite géostationnaire. Donc c'est quelque chose qui est sur étagère à petite puissance, par contre. Je crois qu'il y avait un satellite européen qui s'appelait Smart One qui utilisait de la propulsion ionique comme ça. Et si je me souviens bien, à l'époque, on disait que ce moteur produisait une poussée équivalente à celle que produirait le poids d'une carte postale sur une main. Je me trompe Oui, c'est de cet ordre-là. Donc, ça pousse vraiment, c'est très faible. Ça pousse quelques grammes, mais par contre, ça pousse tout le temps. En fait, c'est ça l'astuce, la propulsion chimique classique, hein, on va pousser plusieurs centaines de tonnes, mais pendant quelques minutes. Là, inversement, on va pousser pendant des heures et des heures. Et donc, sur une trajectoire Terre-Mars, en fait, on va accélérer pendant toute la première partie, jusqu'à la moitié, puis après, en fait, on va freiner tout le reste. Mais tout le temps, quasiment tout le temps, on va propulser. Donc, à l'aller, avec un moteur électrique, on y va, on avance, on pousse, on n'arrête pas de pousser du poids d'une carte postale, de quelques cartes postales ou de quelques colis. Il va falloir quelques bottins. Voilà, envoyer quelques bottins. Et puis, à la moitié du parcours, on se retourne, hein, on retourne l'appareil. On retourne, en tout cas, le sens de poussée. Voilà. Et on freine. Et on freine. Alors, si on fait l'aller avec, hein, tant qu'à faire, quand on a développé un véhicule comme ça, on fait le retour aussi. Hein, parce qu'en termes de consommation, ça consomme beaucoup, beaucoup moins qu'un moteur classique. Donc, pour comparer, alors c'est pas évident. On parle souvent d'impulsion spécifique en fait dans notre domaine. Ça correspond à la vitesse d'éjection des gaz. Et donc nous, notre but, c'est toujours d'éjecter le plus de masse possible, le plus vite possible. Et en fait, alors l'impulsion spécifique, ça se définit comme la durée pendant laquelle je peux fournir une poussée une poussée donnée, voilà. Et la poussée donnée, c'est... Et donc la poussée donnée, par exemple, le meilleur moteur, enfin une La poussée en question, c'est avec un kilo de carburant. Voilà, avec un kilo de carburant, avec le moteur Vulcain. Pousser un kilo, pousser une masse d'un kilo avec un kilo de carburant, on est d'accord? Voilà. Ok, ça c'est ça là. Ça me avec le moteur Vulcain, je peux pousser pendant 450 secondes avec un kilo. Voilà, c'est ça. Pendant 430 secondes. Donc 430 secondes avec un kilo. Ouais. Donc avec un propulseur électrique, je vais pouvoir pousser 2000 secondes, 3000 secondes selon les technos, même potentiellement jusqu'à 10 000 secondes selon les technologies. En gros, 10 fois plus. En gros, 10 fois plus. Voilà, ouais, en gros, ouais. 10 fois plus. Bon, par contre, ce qui se passe, c'est que je peux pas convertir ça directement en consommation parce que par contre, comme je pousse tout le temps, bon, j'ai aussi des pertes par gravité hein, parce que pendant ce temps-là, bon, voilà, quand je suis autour de la Terre, j'ai la Terre qui tire. Donc, ce n'est pas immédiat comme calcul. Mais toujours est-il que ça reste... c'est quelque chose qui est intéressant, c'est quelque chose qui est flexible. Parce que, notamment, il y a une particularité quand même des missions vers Mars, c'est que les opportunités de lancement sont assez limitées. Hein. En gros, on a... c'est tous les 26 mois, en fait, qu'on va avoir une fenêtre de lancement. Et cette fenêtre de lancement, typiquement pour une mission martienne habitée, c'est vrai qu'il va falloir... limiter la fenêtre de lancement parce qu'on va dimensionner notre système pour une fenêtre de lancement donnée, peut-être un mois. Bon, et ben si on a loupé d'un mois le planning, ça veut dire qu'on reporte de au moins 26 mois. Et encore 26 mois, c'est si on n'avait pas pris l'opportunité la plus optimiste. Hein. Potentiellement, ça peut repousser de 10 ans si je me rate vraiment, quoi. Voilà, les opportunités les plus optimistes, hein, celles qui permettent par exemple d'aller avec de la propulsion chimique en 6 mois sur Mars, c'est tout quoi? C'est tous les 18 ans ou quelque chose comme ça? Tous les 15 ans. Tous les 15 ans. Tous les 15 ans, oui, c'est ça. C'est au moment où Mars se trouve. Ce qu'on appelle le périhélie, c'est-à-dire elle a une orbite qui est elliptique, qui n'est pas circulaire, contrairement à celle de la Terre. Et à certains moments, donc, elle est plus proche du Soleil, à d'autres, elle est plus loin. Donc quand elle est plus proche du Soleil, évidemment, elle est plus facile à atteindre. Alors ça signifie quand même que si on a prévu tout notre système, on a dimensionné tout notre système pour aller en 6 mois sur Mars, si on rate le coche, ben, il faut attendre 15 ans. Non. On va prendre de la marge. On ne va pas dire ça. Non, parce qu'il est certain que si on décide un programme d'exploration martienne, on ne va pas le concevoir uniquement pour l'exploration martienne. Bien sûr, mais théoriquement, c'est ça que ça signifie. Oui, non, mais voilà. En réalité, personne ne lancera un tel programme si c'est pour faire juste une mission tous les 15 ans. Hein, il ne s'agit pas d'un projet à la Apollo où le but est de planter un drapeau et de montrer qu'on est les meilleurs. Il s'agit vraiment d'un programme d'exploration scientifique, donc qui demande du long terme, d'aller à plusieurs endroits. C'est un truc qui va durer 20 ans, en fait. Donc il faut être capable de tirer à toutes les opportunités. Ces opportunités ont une fenêtre de lancement assez limitée, et c'est vrai que un des avantages, mais à plus long terme, hein, comme je dis, c'est pas forcément pour la première mission, pour les premières missions, ça peut être un des avantages de la propulsion électrique, d'avoir un petit peu plus de souplesse par rapport à cette contrainte. Donc moteur électrique, j'ai compris, vous m'avez convaincu, ça peut être intéressant, mais là, il va falloir envoyer beaucoup d'ions, hein, fabriquer beaucoup de plasma et le chauffer énormément, c'est ça ? Il va falloir beaucoup de puissance, parce qu'en fait, les moteurs qui volent aujourd'hui, ils marchent avec, quelques kilowatts. Donc beaucoup de puissance électrique. Où est-ce que vous allez chercher cette puissance électrique qui va vous permettre d'envoyer vos dizaines de tonnes jusque sur Mars ? Alors en termes d'ordre de grandeur, ce qu'il faudrait pour une mission, par exemple pour une mission martienne habitée avec un temps de trajet comparable à celui d'une mission chimique, donc là on ne parle pas d'aller plus vite, hein, on parle juste de faire la même chose. Il faudrait quand même plusieurs mégawatts, quasiment une dizaine de mégawatts. Et alors, un réacteur nucléaire, par exemple, c'est quelques centaines de mégawatts. Donc là, on n'est pas loin d'un réacteur nucléaire. Il faut un réacteur nucléaire. Par contre, ça n'a rien à voir. Il faut un réacteur nucléaire. Il faut. Alors, il est possible. Pour alimenter votre moteur électrique. Voilà. Alors, il est possible qu'avec des panneaux solaires, à long terme, on soit capable de fournir plusieurs mégawatts. Bon, par contre, quand on commence à parler de dizaines de mégawatts ou au-delà... ça ne devient pas l'option privilégiée parce que ça va être l'option finalement la plus lourde. Et donc, derrière ça, l'alternative, c'est les sources nucléaires. Richard Heinemann, un réacteur nucléaire dans l'espace, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, la difficulté, c'est que plus on monte en puissance, et quand on atteint effectivement de l'ordre de même 10 mégawatts, c'est-à-dire quand même 10 000 kilowatts, hein, c'est ça que ça veut dire, on arrive, c'est pas tellement le réacteur lui-même qui pose un problème, parce que le réacteur, quelle que soit la puissance qu'on va en tirer, la puissance thermique qu'on va en tirer, il sera à peu près de la même dimension. Le problème, c'est la source froide. Vous savez que dans, pour faire de la puissance électrique, on actionne un turbo-alternateur. Et pour faire tourner la turbine de ce turbo-alternateur, il faut envoyer un gaz chaud. Et ensuite, ce gaz, une fois qu'il a travaillé, il faut le refroidir. Alors vous savez bien que sur Terre, les centrales nucléaires, c'est la raison pour laquelle elles sont installées soit en bord de mer, soit en bord d'un fleuve, parce qu'on se sert de l'eau du fleuve ou de la mer pour refroidir le gaz. Dans l'espace, malheureusement, il n'y a pas de fleuve ni de lac. Alors, il n'y a pas de fleuve ni de lac. Il n'y a même pas d'air. Il n'y a même pas d'air. Donc, pour refroidir. Le seul moyen de refroidir. Qu'est-ce qui va emporter vos calories, alors? Eh bien, c'est des radiateurs. Des radiateurs? D'immenses radiateurs. Et c'est bien là le problème. C'est que pour arriver à évacuer les quantités de chaleur phénoménales qui correspondent à ces niveaux de puissance électrique, on a besoin d'immenses radiateurs. Et ouais. Ça fait du poids. Ça fait de la masse. Ah, de la masse. Oui, autrement dit, vous allez avoir un système qui consomme peu de propergol, de carburant, si on veut dire, ouais. Mais par contre, qui va avoir un système de génération d'énergie qui va être très lourd. Donc, il y a un optimum à trouver entre les deux, quoi. Voilà, donc il y a tout un travail, effectivement, d'optimisation à faire pour trouver un point de fonctionnement qui soit convenable et qui permette de... à la fois limiter la taille des radiateurs, mais qui seront inévitablement quand même très grands à ces niveaux de puissance-là. Alors reste par contre quand même petit par rapport à la taille des panneaux solaires. Alors ça, c'est la propulsion nucléaire électrique. Alors on peut voir à quoi ressemblerait un vaisseau fonctionnant avec ce type de propulsion en regardant cette diapo-là. Regardez ça. Voilà, cette diapo-là, vous la prenez, et puis on va la commenter ensemble avec... Elisa Cliquet, vous l'avez devant vous. Vous en avez assez? Je crois que... Bon, on se débrouille. On a tout est distribué de toute façon. Donc il n'y en a pas plus, donc on se débrouille, on en regarde plusieurs. Alors, regardons l'image donc. Alors si vous cherchez le réacteur, eh ben, je vous souhaite bon courage parce qu'en fait il est vraiment tout petit et on le voit à peine. Le réacteur nucléaire. Voilà, il est absolument minuscule, il est tout en haut à gauche à la pointe. Ah, c'est lui qui a la pointe de la flèche là. Voilà, absolument à la pointe de la flèche, vous le voyez à peine. Ce que vous voyez qui est à peu près rond derrière, c'est le bouclier qui va servir à protéger la charge utile et puis les radiateurs les émissions du réacteur. Ouais, moi j'ai l'œil dessus, je le vois à peine, le votre bouclier. Ah bah, mais il est à la pointe. Les réacteurs sont. Enfin, faut voir que on parle de réacteurs qui sont vraiment nano par rapport aux réacteurs terrestres. Oui, il faut bien faire attention parce qu'on a l'habitude de penser aux centrales nucléaires terrestres. Et ce qui fait la masse et le volume impressionnant des réacteurs terrestres, c'est les questions de sécurité. Ils doivent être confinés absolument contre tout incident. Il y a des enceintes de béton, etc. Là, on n'a rien. Ce réacteur, c'est une cocotte minute qui fait peut-être un mètre de diamètre, pas plus, et qui a 50 kilos d'uranium. C'est tout petit. C'est pas grand-chose. Alors, ce qui est gigantesque, c'est ce qui est derrière. Ce sont vos radiateurs. Hein. C'est pas des panneaux solaires, c'est des radiateurs. Voilà, ça. Ce ne sont pas des panneaux solaires, c'est des radiateurs. Donc, on est obligé. Alors, il y a différentes technologies qui sont envisagées. Donc il faut, pour limiter la taille des radiateurs, il faut augmenter au maximum la température du réacteur. On veut toujours garder une différence entre la température chaude et la température froide pour avoir un bon rendement. Et donc, plus je vais réussir à monter en température dans mon réacteur, plus ce sera facile après, du côté des radiateurs, d'évacuer la chaleur. Hein, parce que ça va marcher avec, finalement, plus la température des radiateurs va être élevée, plus ils vont facilement évacuer la chaleur. Alors, ce qu'on voit derrière, ce sont des réservoirs, les réservoirs blancs, là, à l'arrière. À l'intérieur, c'est de quoi? De l'hydrogène? Alors, en l'occurrence, sur ce schéma-là, c'est de l'hydrogène, parce que c'était inspiré, en fait... du propulseur Vasimir, donc qui est sur lequel travaille un ancien astronaute de la NASA qui s'appelle Franklin Chang-Diaz. Et donc lui, son idée, c'était avec ce moteur, donc d'utiliser de l'hydrogène parce que ça permet là d'avoir une impulsion spécifique qui est de l'ordre de 9000 secondes. Donc, pendant 9000, je mets 9000 secondes pour consommer un kilo. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. En termes de performance. Et puis bon, l'hydrogène, c'est vrai que ça peut être intéressant aussi parce que ça peut protéger un peu des rayonnements cosmiques. Donc en fait, l'habitat sur ce dessin, il est sous les réservoirs. Les astronautes, ils se trouvent probablement sous les réservoirs, là. Exactement. Hein, ils sont protégés des radiations cosmiques par les bonbonnes, les réservoirs d'hydrogène qui sont tout autour. Il y a le nucléaire thermique aussi. Alors, on va regarder tout de suite en quoi ça consiste. Il y a un autre schéma qui est là. Alors, attendez, où est-ce qu'il est? Le voilà. Hop. Voilà, c'est ce schéma-là. Avec un gros bidon d'hydrogène en haut. Un gros bidon d'hydrogène, ça c'est le nucléaire thermique. Voilà, et donc cet hydrogène, on va le faire chauffer dans le réacteur et l'éjecter directement. Donc là, il n'y a pas de conversion en électricité. Donc là, on voit juste le moteur, hein. Donc on voit de l'hydrogène liquide. Et attendez, j'ai l'impression que l'hydrogène liquide, on le fait passer directement. On le fait passer directement au contact avec les barres de combustible, comme un circuit primaire. D'accord, et là, c'est là où on voit tout de suite que y a un hic. Hein. Alors attendez, il faut bien qu'on se comprenne. Il y a de l'hydrogène liquide et je le pompe à l'intérieur du réacteur nucléaire, dans l'enceinte, et on voit là les petites barres blanches dans un environnement rouge. Les barres blanches là, c'est combustible. C'est combustible, c'est-à-dire les barres d'uranium. Oui, elles sont habillées, heureusement. Sont des crayons, ce qu'on appelle des crayons. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, il y a un hic là, vous voyez. Et donc l'hydrogène est chauffé et donc il est expulsé par la tuyère, c'est-à-dire la cloche qu'on voit à la base. Du système. Alors, c'est quoi le hic? Quel alors, problème? Le hic. Alors, en tout cas, ça a l'air vachement simple. Vous avez vu que. Alors, ça, c'est super simple sur le. J'ai expliqué ça en 10 secondes et ça fait 20 minutes qu'on est sur l'électrique. Hein. Et en plus, on l'a déjà fait. Et en plus, on l'a déjà fait. Les Américains et les Russes l'ont déjà fait. Ils ne l'ont pas fait en vol, mais dans les années 60 jusqu'au début des années 70, à l'époque où on rêvait de voyage vers Mars, c'est bien du côté russe que du côté. Américains, il y a eu des programmes de développement technologique absolument extraordinaires. Par exemple, aux États-Unis, ils ont fait fonctionner ce type de moteur à une poussée un peu inférieure à 100 tonnes pendant une heure en continu. Donc, ils étaient tout près d'avoir atteint le stade du prototype vol. Et puis, ça a été arrêté quand le programme de débarquement, enfin de voyage vers Mars, a été abandonné à la fin des programmes Apollo, parce que c'était la seule application. Si on ne faisait pas ça, on n'en avait pas besoin. Mais la technologie était très avancée. Alors. Et c'est toujours, en fait, pour la NASA, jusqu'à aujourd'hui, la solution de référence. Et aujourd'hui, ils essayent de ressortir ça des cartons. Ils continuent à faire des essais. En fait, ils vont tester à très haute température, hein, parce qu'on va atteindre plus de 2000 degrés, en fait, dans le cœur. Et ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de tester, justement, la résistance à très haute température dans une ambiance d'hydrogène. Des matériaux de gaine en fait qui entourent l'uranium, parce que donc comme je disais, le hic en fait, c'est que si cette gaine casse, on va avoir des produits de fission, donc radioactifs, dangereux, qui risquent de passer dans l'hydrogène et donc potentiellement d'être éjectés avec l'hydrogène. Donc aujourd'hui, donc les Américains à l'époque, hein, dans les années 70, ils testaient ça à l'air libre dans le désert du Nevada. Bon, vous me direz, ils ont testé bien d'autres choses, hein. Mais bon, en l'occurrence, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas tester aujourd'hui chez nous. Ça produisait beaucoup de radioactivité, oui, parce que c'est ça la question. Ça a l'air de marcher, oui. C'est tout simple, sur le papier en tout cas. Qu'est-ce qu'on attend pour le mettre en œuvre? Donc vous dites que oui, il y a des problèmes. Le problème, c'est qu'à l'époque, effectivement, soit par ignorance, soit par manfoutisme, on ne faisait pas attention à ça. C'est-à-dire, ces essais, il faut bien voir, ils ont été faits à 80 km de Las Vegas. Alors, évidemment, Las Vegas n'était pas à l'époque ce qu'elle est aujourd'hui. Enfin, ça fait frémir quand même. D'accord. Et alors, bon, en théorie, on n'émet pas de particules de radionucléides. Si on casse pas la gaine. Mais si la gaine s'effrite, se fissure, on en émet. Donc, aujourd'hui, si on voulait relancer un programme, évidemment, il serait plus question de le faire dans ces conditions. Il faudrait avoir un système, soit d'essayer le moteur en circuit clos, pour être sûr de récupérer les produits dangereux s'il y a un accident. Les éventuels produits dangereux. Soit le tirer dans un puits. Ouais, ah oui. C'est leur solution de référence aujourd'hui. Hein, ça fait rire Richard Edman. Oui, ça fait rire. Tirer dans un puits, puis après il rit. Ça veut dire quoi ce rire? Ça me paraît un peu loufoque quand même. Ah, mais, d'accord, quand même. Ouais. Mais bon. Après tout, pourquoi pas? Mais après, il faut reboucher le puits. bon, si on, vous imaginez proposer ça en France ou en Allemagne? Non, absolument pas. C'est pas imaginable. Il faut avoir des grands déserts comme les Américains ou les Russes en ont. C'est quand même un programme coûteux en lui-même. Donc, effectivement, la NASA l'a mis un peu en solution de référence. Nous, à l'association Planète Mars, à Mars Society, on trouve que c'est une bonne idée, mais qu'on n'en a pas forcément besoin tout de suite. C'est un peu comme la solution électrique. C'est un peu un luxe, c'est un bonus, si vous voulez. Donc la Planète Mars, vous êtes favorable à l'idée de l'association. Le plus simple possible. Le plus simple, on y va le plus vite possible avec ce qu'on sait faire. Notre motto, c'est Mars direct. Le motto, c'est votre devise. Notre devise, voilà. Allez. Mars direct. Donc, pas d'efforts inutiles et le plus vite possible. D'accord. Et il faut bien comprendre qu'avec un moteur comme celui-là, donc votre système nucléaire thermique, hein, on pousse que pendant 2 heures, hein, quelque chose comme ça, une ou deux heures, en fait, en tout et pour tout, comme pour aller sur Mars. En termes de poussée, ouais. On va se retrouver avec quelque chose de comparable à la propulsion chimique. Hein, c'est les mêmes ordres de grandeur, même si concrètement... le cœur pèse plus lourd. Hein, mais on va pas plus vite. On pousse. On n'ira pas plus vite. On n'ira pas plus vite. Non, hein, c'est pas ça l'intérêt. Ça, c'est un autre problème, la vitesse. Le choix de la trajectoire, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. Alors, effectivement, les promoteurs de la propulsion nucléaire claironnent l'argument de dire grâce à ça, on va, au lieu de 6 mois, on va mettre que 4 mois. Oui, c'est ça qu'on entend. Grâce à ça, au lieu de 6 mois, on va mettre 4 mois. C'est un peu mensonger parce que. Pourquoi on choisit d'y aller en 6 mois? C'est parce que c'est ce qu'on appelle une trajectoire de libre retour. C'est-à-dire, vous partez, vous vous élancez. Puis, hop, il y a un gros, gros problème. Vous êtes obligé d'avorter la mission. Si vous êtes parti sur une trajectoire qui vous aurait mis en 6 mois sur Mars, vous êtes garanti de revenir au voisinage de la Terre, d'accord, au bout de 2 ans. C'est-à-dire qu'on fait le tour de Mars. C'est mieux que rien. Et 2 ans plus tard, on est de retour sur la Terre. Si vous y allez en 4 mois, ben, vous ne revenez jamais. En tout cas, on n'est pas sûr de revenir. Ah, vous ne revenez jamais. Si vous êtes en panne de propulsion. Si on veut céder, voilà, si on est en panne de propulsion. Voilà. Donc, il y a quand même un gros intérêt à la trajectoire. Donc, on ne va pas plus vite. Alors, l'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est un intérêt en termes de masse. Exactement. Je suppose. Exactement, oui, ouais. C'est un intérêt en termes de masse. Mais qui, là encore, peut être discutable. Hein, parce que. Oui. Même celui-là, vous me le laissez pas alors. Pas forcément. D'accord. Non, parce qu'en fait, alors c'est vrai que là, on va éjecter que de l'hydrogène. Donc l'hydrogène, c'est beaucoup plus léger que les produits de combustion qu'on éjecte habituellement. Avec la propulsion thermique. Avec la propulsion chimique. Propulsion chimique, combustion, on va éjecter de l'eau en fait, hein, et c'est relativement lourd par rapport à quand j'éjecte de l'hydrogène tout seul. Et donc en termes d'impulsion spécifique, je vais être 2 fois plus performant que les moteurs actuels avec le nucléaire thermique. Par contre, mon système pèse un petit peu plus lourd, déjà parce qu'un réacteur, ça pèse lourd. Donc je suis plus performant avec ma propulsion nucléaire thermique, mais mon système pèse plus lourd, c'est ça? Voilà, il pèse un peu plus lourd. Donc si je gagne d'un côté, je commence à le perdre de l'autre. Je commence un petit peu à le perdre. Et puis il y a éventuellement aussi la question, mais ça fait l'objet de pas mal de débats, hein, de à partir de quelle altitude je suis autorisé à allumer un réacteur nucléaire dans l'espace? Ah oui, à partir de quelle altitude je suis autorisé à allumer mon réacteur nucléaire, oui. Voilà, et donc si... À le faire diverger, à le faire diverger. Donc ouais. Si j'estime que Parce que c'est là qu'il est dangereux, c'est quand il est... Oui. Non c'est après son fonctionnement. C'est quand il a commencé à brûler à produire des produits de fission. Un cœur neuf, en fait, il est très peu radioactif. Mais une fois qu'il a commencé à brûler et qu'il a des produits de fission, ces produits de fission, il faut attendre qu'ils aient terminé leur décroissance naturelle et qu'ils soient revenus à un niveau acceptable avant que ce truc-là retombe si jamais il y avait un problème. Donc forcément, ça va nous amener à considérer à ne pas démarrer des choses comme ça si on en envoyait un jour. En dessous d'une certaine orbite. Et cette orbite-là, dans les discussions, on parle de quelque chose qui serait autour de 1000 km d'altitude. Et donc, envoyer quelque chose à 1000 km d'altitude, c'est pas pareil que l'envoyer à 400 km d'altitude. Donc là encore, je perds un peu d'intérêt à la chose. C'est l'orbite moyenne dans un cas, l'orbite basse oui, dans l'autre. Voilà. La différence de performance pour un lanceur, par exemple, comme le Delta 4, est quand même de 30%. Qui existe aujourd'hui. Hein. Oui, c'est-à-dire que vous perdez 30% de charge utile déjà. Si on veut aller sur à 1000 km d'altitude, hein, voilà. Alors, oui, parce que ce qu'on n'a pas forcément amusant. Très bien expliqué, oui. C'est que tous les systèmes dont on parle là, ce sont des systèmes qui vont permettre de rejoindre l'orbite de la Terre. Mars depuis l'orbite de la Terre. Hein. Voilà. Donc avant ça, il faut envoyer en orbite terrestre à l'espace. Voilà. Et ça, a priori, c'est plutôt la propulsion chimique qu'on va utiliser pour ces quelques centaines de kilomètres. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution. D'accord. Ok. Compris. Alors, on a parlé donc de propulsion nucléaire. Est-ce qu'il y a d'autres la propulsion chimique quand même. On en a dit un mot. Hein. On a dit qu'elle continue à avoir de l'avenir, mais si on se projette plus loin, Il y a des couples qu'on utilise déjà, comme l'hydrogène et puis l'oxygène. Et puis il y a d'autres, vous parliez de méthane et oxygène également, qu'on peut utiliser pour faire de la propulsion chimique. Est-ce qu'on peut imaginer des molécules nouvelles qu'on pourrait brûler un jour? Voilà, alors tout à fait. Ça, c'est un des axes de recherche privilégié au CNES pour tout ce qui est propulsion future, nouveaux ergols, système de lancement. C'est ce qu'on appelle les molécules, alors c'est très lointain, mais les molécules à haute densité énergétique. Alors les molécules à haute densité énergétique, c'est un petit peu le Graal, parce que ça combinerait, et ça pourrait combiner les avantages de la propulsion liquide, à savoir une super performance, une super impulsion spécifique, et de la densité comme la propulsion solide, qui aujourd'hui est très pratique, parce qu'on peut la stocker pendant plusieurs années, au niveau mise en œuvre, en fait, c'est très simple, j'allume, ça démarre, et puis voilà. Alors, pour prendre des exemples, la propulsion liquide, c'est ce qui est utilisé, par exemple, sur Ariane 5, avec le couple hydrogène liquide, oxygène liquide, voilà. On les mélange, et puis, Ils sont stockés séparément, il y a un réservoir d'oxygène, un réservoir d'hydrogène, et puis je les fais brûler. Voilà. La propulsion solide, en fait, l'oxydant et le réducteur, ils sont déjà mélangés, ils sont liés par un liant. Dans un booster. La propulsion solide, c'est ce qu'on trouve dans les boosters, sur les côtés d'Ariane 5. Et donc, c'est seulement en leur apportant une énergie initiale qu'ils vont commencer à réagir, en fait, et qu'on va commencer à brûler donc, le propulseur. Et donc, avec vos nouvelles molécules, là, on pourrait avoir à la fois... Donc, on pourrait avoir quelque chose de solide et dense, et avec une excellente impulsion spécifique. Alors, typiquement, ça fait aussi que c'est pratique à utiliser, utiliser. Parce que l'oxygène liquide, l'hydrogène liquide, il faut les refroidir l'hydrogène liquide, c'est moins 250 moins degrés, 250, l'oxygène liquide, c'est moins 180 degrés, c'est ça, donc 180. En termes de mise en œuvre sur le pâtir, c'est très contraignant. On a un report de tir, par exemple, parce qu'il ne fait pas assez beau... si on peut pas retirer le lendemain, on va devoir vidanger entièrement le lanceur et le re-remplir. Alors qu'un système à propulsion solide, il est là, il est sur le pas de tir, le lendemain, il sert pareil que la veille. Par contre, alors sur ces molécules-là, globalement, elles sont dans un état métastable. Alors ces molécules, attendez, vous me parlez de ces molécules, mais on sait lesquelles c'est et on les a déjà testées, etc. On en a identifié, on a fait des calculs pour essayer d'estimer leur performance et puis essayer d'estimer même si elles peuvent exister. Donc ça va être des composés avec plusieurs atomes d'azote. Attends, si elles peuvent exister, parce qu'on ne sait même pas si elles peuvent exister. En fait, pas vraiment, on ne sait pas encore. En fait, on ne sait pas les produire. Par contre. Ah, d'accord. C'est un état qui... on sait qu'elles ont un état qui est métastable. Donc, il faut déjà arriver à les amener Mais métastable, ça veut dire... En français, ça veut dire pétatoire. Pétatoire. D'accord. Ça veut dire qu'en fait, si on apporte... En fait, elles sont liées... Propre à exploser, à fournir de l'énergie, d'accord. Les atomes d'azote, ils vont être liés entre eux par des liaisons qui vont être faibles et donc qui vont être assez faciles à casser. Et par contre, quand elles vont se casser, elles vont se recombiner avec des liaisons beaucoup plus fortes. Donc, elles vont dégager beaucoup d'énergie. Donc, pour les casser, pour faire le début en fait de cette réaction de dégradation, il suffit que j'apporte une petite énergie, une énergie d'activation, et suite à ça, en fait, je vais récupérer une grande quantité d'énergie. Donc, ce sont des molécules comme le NUIT, azote, une molécule composée de 8 atomes d'azote. 8 atomes d'azote. Il y a aussi le N4 sous forme de tétraèdre, le N5. Il y a plein de variantes. Mais tout ça, c'est théorique, on est d'accord. Alors, tout ça, c'est théorique. D'accord. Donc, aujourd'hui, mais ça doit être possible. L'idée, ce qui est extraordinaire, donc, c'est qu'on donne une toute petite énergie. Et elles vont, pour les briser ces liaisons, et elles vont fournir, elles, énormément d'énergie, l'énergie qu'elles ont contenue. Exactement. En fait, en termes d'impulsion spécifique, on va se retrouver avec quelque chose d'un peu meilleur que la propulsion chimique. On peut espérer de l'ordre de 500 secondes d'impulsion spécifique et avec une densité qui serait jusqu'à 5 fois meilleure que celle des ergols qu'on utilise actuellement. Alors par contre, c'est sûr qu'elles sont aujourd'hui théoriques, mais on travaille sur leur synthèse. Donc on a une unité mixte... Donc leur production. Leur fabrication. Donc, on a une unité mixte de recherche qui regroupe le CNES, Héraclès et puis le CNRS, l'Université de Lyon. Et en fait, le chemin vers ces molécules, est pavé de plein d'autres molécules qui sont intéressantes à beaucoup plus court terme. Et donc, par exemple, aujourd'hui, on travaille sur une molécule qui s'appelle alors le TMTZ, alors le nom complet, tétraméthyltétrazone, ou bon, quelque chose comme ça. Et déjà, cette molécule, on peut espérer avoir quelque chose qui a une performance à peu près équivalente à oxygène-kérosène. Donc, bon, c'est moins bon que oxygène-hydrogène, hein, mais quelque chose d'équivalent à oxygène-kérosène. Donc, on progresse en termes de performance par rapport aux autres ergols stockables qu'on a actuellement, qui présentent l'inconvénient d'être toxiques. Et donc, difficile à manipuler, hein, qui nécessite de mettre des grosses combinaisons quand on va remplir le satellite ou l'étage, etc. Donc, on est en train aujourd'hui de fabriquer des molécules qui ne sont peut-être pas encore dans l'état métastable. Donc, qui ne sont pas dans l'état métastable, qui sont stables, qui sont liquides à température ambiante. Qui ont de l'intérêt, et puis qu'un jour, on mettra peut-être aujourd'hui dans nos moteurs. Quoi, mais c'est des molécules qui n'existent pas forcément dans la nature. Richard Edman, c'est pas mal, ça, hein. Oui, c'est pour quand? C'est pas pour tout de suite, oui. Les progrès sont lents. Et les appliqués d'une trentaine d'années. De temps, pour les molécules à très haute densité. C'est très difficile à prévoir parce que c'est l'impression que ça donne si on regarde dans le rétroviseur, effectivement. Mais la science, en fait, de temps en temps, il y a des percées inattendues qui ouvrent un tout nouveau domaine. Et donc, oui, il ne faut pas compter là-dessus sur le court terme, sauf que ça peut arriver comme ça d'un coup. C'est ça, oui. Hein. Dans le domaine, il y a le summum, je dirais, de la chose extraordinaire, c'est ce qu'on appelle l'hydrogène métallique. L'hydrogène métallique, oui. L'hydrogène, il se trouve que quand on le comprime à des très très fortes pressions, 5 millions d'atmosphères. Donc, 5 millions d'atmosphères, oui, d'accord. C'est quand même quelque chose. 5 millions de fois la pression atmosphérique sur Terre. Oui. Il prend un autre état, c'est-à-dire qu'il n'est plus liquide, il n'est plus solide, il n'est plus gazeux, il devient comme un métal. Et dans cet état-là, il stocke 10 fois plus d'énergie que ce que ferait une combustion hydrogène-oxygène. Donc vous imaginez la chose. Alors simplement, c'est assez théorique. C'est des calculs. Là aussi, c'est théorique. Hein. On n'en a jamais fabriqué encore. On en a vu dans une enclume, dans un tout petit espace. En envoyant des radiofréquences dedans, on a vérifié que, de façon très temporaire, on en avait obtenu. Mais de là, en fabriquer en quantité et à le conserver, le problème, c'est la conservation. Parce que lui aussi, il est métastable et on ne sait pas le conserver. On ne sait pas le produire, on ne sait pas le conserver. Voilà. Mais le jour où on saura le faire, ce sera une révolution absolument extraordinaire. Élise et Richard, ils se décarcassent pour qu'on aille sur Mars. Mais c'est pas facile, pas d'effort inutile, faut réduire la masse. 10 mégawatts, 100 kilos de patates, un alternateur et des radiateurs, de l'hydrogène, des vêtements en laine, des paquets de gâteaux et des litres de Porto. Avec Saint Soir, dans l'incertitude pétatoire, on ira voir pousser les courges sur la planète rouge. Pétatoire, je crois qu'on va la ressortir souvent, oui. Ça, Richard Edman, hein, les molécules pétatoires. Bon, voilà, on a parlé, on a évoqué un petit peu le sujet, on l'a juste gratouillé, il y a encore plein de modes de propulsion dont on n'a pas parlé. Et puis, on peut aussi ne pas parler que de propulsion. Avec Richard Edman, il a plein de choses à dire sur comment aller sur la planète Mars, les systèmes de support vie, etc. Bref, comment nos descendants monteront-ils dans l'espace? Ben, c'est à vous aussi de poser vos questions. Alors, qui voudrait discuter, donner son avis, poser des questions à nos intervenants? Monsieur. Bonsoir. Vous avez parlé tout à l'heure du moteur Vasimir. Oui. C'est ça. Je voulais savoir quelle différence technologique il y avait par rapport aux technos qui sont développés chez SNECMA et quand est-ce que ce serait prêt, parce que je crois qu'il devait tester un prototype cette année, non, sur l'ISS. Alors, dans l'ordre. Alors, Vasimir, il y a beaucoup de questions. Vasimir, c'est, on est d'accord, c'est du nucléaire thermique. Non, du nucléaire électrique. Perdu. Alors, pas forcément nucléaire, hein. c'est un propulseur électrique. Donc, soit on a des panneaux solaires de très forte puissance, soit on met un réacteur nucléaire, si on n'a pas les panneaux solaires qui suffisent. C'est un concept de propulseur qui est intéressant justement seulement à très forte puissance. Donc à partir de 100 kW, 200 kW, en dessous, son rendement est pas assez intéressant. En fait, son principe, c'est là, on va vraiment aller chauffer à l'extrême en fait le fluide. Et une des particularités, c'est que le moteur va vraiment être décomposé en plusieurs étages. Aujourd'hui, dans les propulseurs SNECMA, donc ils se basent sur l'effet Hall. Et donc l'effet Hall, bon, c'est un les effet. Les propulseurs SNECMA, c'est-à-dire les moteurs électriques. Les moteurs électriques SNECMA. Ok, d'accord. Voilà. Tels que ceux dont on a parlé. Tels que ceux de la sonde Smart. Smart, voilà, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ok. Voilà, donc ils marchent avec l'effet Hall. Ils ont une cathode et donc. L'effet Hall, c'est un peu compliqué parce que c'est vraiment un effet combiné de champs électriques et de champs magnétiques. Et au final, c'est au même endroit dans le propulseur, on va générer le gaz et puis on va l'accélérer. Enfin, on va ioniser le gaz et puis on va l'accélérer. Dans le propulseur Vasimir, en fait, on a deux étages. On a un premier étage qui va juste faire l'ionisation et puis un deuxième étage qui va réchauffer ce gaz à très haute température. Donc, le fait qu'il y ait ces deux étages, et puis bon, il y a un dernier étage hein, qui est une tuyère magnétique pour pouvoir finir d'accélérer, enfin redresser finalement les lignes de champ pour être bien sûr qu'on va éjecter ce gaz. C'est ion, oui. Et donc, l'avantage de ce truc-là, c'est que je peux alimenter en puissance avec deux... Enfin, quand j'ai une source donnée, je peux régler la puissance, je la répartis. Soit je vais ioniser plus de gaz, donc je vais avoir plus de débit, donc plus de poussée. Soit finalement, je vais en ioniser moins, mais par contre, je vais le chauffer à de plus hautes températures. Et il atteint des températures extrêmes. Hein. Il va atteindre des millions de degrés dans le cœur, finalement, du propulseur, parce qu'il s'appuie sur des technologies de miroirs magnétiques inspirées de la fusion, où en fait, le plasma va pas être en contact avec les parois. Et le procédé qu'il utilise pour ioniser le gaz n'a pas besoin de cathode, en fait. C'est un phénomène de résonance. Il va appliquer des radiofréquences qui sont donc à des fréquences très élevées, qui vont finalement faire passer le gaz à un état plasma sans utilisation de cathode. Donc la cathode, le problème qu'on reproche à la cathode, c'est qu'elle va s'éroder. Et donc ça limite potentiellement en durée de vie. Bon, aujourd'hui, le moteur Vasimir en durée de vie, il peut pas trop la ramener, entre guillemets, parce que les essais ont duré au maximum une minute, alors que les propulseurs SNECMA sont qualifiés pour des milliers d'heures. Donc, mais par alors, ce qu'ils expliquent, hein, c'est qu'aujourd'hui, cette puissance, elle est notamment limitée par la taille de la chambre à vide. Donc, ils l'ont testé à 200 kW. Avant ça, ils avaient fait plusieurs prototypes. Hein, ils l'ont testé avec de l'argon, du xénon, du krypton. Même un petit peu, ils ont fait des essais à l'hydrogène, pas sur celui-là, mais sur d'autres prototypes avant. Tout ça, ça fait plein de mots que Michel va pouvoir utiliser dans sa. Pour ces chansons, un miroir magnétique, c'est extraordinaire. Ah, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est beau, hein. C'est presque de la poésie. Mais donc, c'est des aimants hein, qui vont appliquer un champ magnétique très fort qui va confiner le plasma. Et même s'il n'y a pas de contact avec les parois, en fait, hein, ça va quand même par rayonnement en fait chauffer beaucoup autour. Donc, il y a des joints aujourd'hui qui tiennent pas. Alors, c'est soi-disant les joints de la chambre à vide qui tiennent pas. Bon, au bout d'un moment, ce sera d'autres parties du moteur qui ne tiendront pas. Hein, donc, Richard Hellman, vous vouliez ajouter un mot ? Là-dessus, il y a des tas de problèmes annexes. Hein, Elisa en a cité quelques-uns. Mais par exemple, pour faire cette bouteille magnétique, en fait, c'est des aimants supraconducteurs très puissants. C'est pour quoi ? Pour maintenir le plasma dans une zone restreinte qui ne touche pas les parois. Ah, oui. On le confine dans un champ magnétique. Et c'est des aimants supraconducteurs extrêmement puissants. Donc il faut les refroidir. Vous voyez le problème. Hein, on n'a plus d'hydrogène liquide, peut-être. Enfin, si, on aura quand même. Pour refroidir, oui. Pour refroidir les aimants, ouais. Etc. Bon, et puis il se trouve que, d'accord, le plasma est confiné au centre de la bouteille, donc il ne touche pas les parois. Mais par contre, il n'est pas complètement ionisé. Donc il y a des particules qui restent neutres. Et celles-là, elles vont chauffer. Et elles vont aller toucher les parois. Donc il y a quand même un transfert de chaleur. Sur les aimants, il faut les refroidir sans arrêt. Enfin bref, c'est vrai. Bon, enfin, il y a des tas de problèmes. D'accord. Mais bon, par contre, il faut voir que travailler là-dessus, oui, ça fait quand même beaucoup progresser pas mal d'axes de technologie, notamment sur les aimants supraconducteurs. Enfin, moi, j'ai eu la chance d'aller visiter leur labo et on voit la différence entre les aimants qu'ils utilisaient il y a les 10 ans. Les labos de qui, alors là, alors, de Chang-Dyas, de Franklin Chang-Dyas. Ah, de Chang-Dyas, d'accord. Franklin Chang-Dyas, voilà. Astronaute de la NASA, né en 1950. Probablement. Mais je vous l'assure. Vous avez vérifié. J'ai vérifié. Co-recordman des vols en navette avec 7 vols. 7 vols, d'accord. Il a commencé sa carrière justement dans les recherches sur la fusion nucléaire contrôlée dans des bouteilles magnétiques. Mais c'est pas lui qui disait en 2010 justement qu'il pensait qu'on pouvait aller sur Mars en 39 jours ? Bah si, justement. Ouais. Alors lui, il disait que c'était grâce à son moteur qu'on pouvait aller sur Mars en 39 jours parce que justement, il pouvait régler finement, en fait, entre je vais ioniser plus, je vais avoir plus de débit, je vais pousser plus fort, et puis inversement, dans d'autres phases, je vais pouvoir consommer très peu. L'inconvénient de ça, en fait, ce qu'il disait pas, mais que maintenant il a admis, hein, c'est qu'il fallait un réacteur nucléaire, non pas de 10 mégawatts, mais de 200 mégawatts. Ah oui, d'accord. Et puis bon, plus... et puis petit détail, il fallait qu'il pèse rien, en gros. D'accord. Voilà. Mais alors, celui à 200 mégawatts? 200 mégawatts, on n'envisage même pas un truc comme ça, quoi. Ce serait vraiment... Avec ce qu'elle envisage. Trop monumental. Autant aller chercher de la fusion à ce moment-là, hein, quand on a besoin de 200 mégawatts. Oui, carrément. Mais bon, par contre, il faut voir qu'il n'y a pas beaucoup de moteurs à propulsion électrique. Enfin, aujourd'hui, il n'y en a pas à 200 kilowatts hein, qui sont qualifiés. Donc, sa technologie, certes, elle n'est pas encore prête. Elle n'est pas encore sur étagère. Mais bon, il progresse. Et peut-être qu'un jour, il y arrivera. Et il n'a pas tellement de concurrence sur ce créneau de la très forte puissance, à part à faire plein de clusters de petits moteurs. D'accord. Et pour cause, hein, c'est que c'est quand même assez compliqué. Séverine, on a du nouveau sur Twitter ? On a une question de Remco. Ah, Remco. Remco demande, dans toutes ses questions sur la propulsion, ce qu'il en est de ce qu'il appelle la bonne vieille assistance gravitationnelle. Et donc tous les systèmes d'effet de fronde, voilà. Il demande pour ou contre. Remco, c'est Remco Timmermans donc, qui nous suit, hein. Et qui est néerlandais et qui donc nous suit depuis sur Twitter. Richard Manon, qu'est-ce que c'est ? Rappelez quand même l'effet de fronde, l'assistance gravitationnelle, c'est quoi ? C'est pas facile à expliquer, mais imaginez. Déjà, on peut dire ça coûte rien. Ça coûte rien. Hein ? C'est de la bonne propulsion, ça comme vous aimez. Visualiser une planète, hein, donc un ballon là devant vos yeux. Un vaisseau va arriver au voisinage de cette planète. Il a une trajectoire en forme d'hyperbole, c'est-à-dire il arrive, il passe par la planète, il repart avec d'une façon symétrique. Mais l'intérêt de cette manœuvre... Ma trajectoire, elle est défléchie par la présence de la planète. Oui, parce qu'il va ajouter à sa vitesse d'entrée par rapport à la planète une partie de l'énergie fournie par le mouvement de la planète. Donc, le mouvement de la planète accélère mon... Il y a un transfert d'énergie, entre ma sonde ou mon appareil. Voilà, ouais, il y a un transfert d'énergie... Ouais. Par les lois de la mécanique, entre la sonde et la planète. C'est ça qu'on appelle l'effet de fronde. C'est ça qu'on appelle l'effet de fronde. Hein, l'image de la fronde, elle dit bien ce qu'elle veut dire. Hein, Non, pas très bien. Non. Mais bon, ça a été utilisé énormément dans les missions automatiques d'exploration de l'espace lointain. Par exemple, quand on envoie une sonde vers Pluton ou vers Neptune, Uranus, on utilise l'assistance gravitationnelle de Jupiter, parce que Jupiter est un astre très massif. Donc, il donne un grand coup d'accélérateur. Donc, on envoie la sonde vers Jupiter et on s'accélère au voisinage de Jupiter. C'est comme ça que... Ça coûte rien, on est d'accord. Hein, ça coûte rien. Ok, formidable. Ouais. Pour ou contre? Forcément. Ah bah oui, on est pour. Ah oui, oh là là. Ouais. On peut dire pour, hein, Remco. Forcément. Mais par contre, l'inconvénient... Ça a été utilisé, par exemple, pour la sonde Cassini. Ça va être utilisé aussi pour la sonde européenne. Rosetta, oui. L'inconvénient, c'est que si on veut faire ça... Rosetta qui va arriver, hein, c'est une sonde très française. Hein, européenne. Mais le CNES a une grosse participation dedans. Et qui arrive l'année prochaine hein, sur... Une comète. Dont le nom est imprononçable. Churyumov-Gerasimenko. Bravo. Bravo. Alors, l'inconvénient de ce schéma, c'est que vous perdez du temps. C'est-à-dire... Il faut que vous repassiez plusieurs fois. Je sais pas si c'est Rosetta ou elle est passée deux fois. Rosetta, elle est passée au moins deux fois. Deux fois au voisinage de la Terre. Au voisinage de la Terre. Elle a utilisé. Elle est partie, elle est revenue vers la Terre. Elle est repartie comme ça deux fois. Voilà. Ça fait peur aux écolos d'ailleurs parce que. Non, dans Rosetta, ça allait, mais c'est Cassini. Ah, Cassini, oui. Cassini, parce qu'il y avait des générateurs au plutonium. Il y avait un peu de plutonium à bord. Ben, un petit peu beaucoup. Un petit peu beaucoup. Et ils n'aimaient pas trop. Quoi, quelques kilos ? Oui, d'accord. D'accord, c'est une question. 30 kilos quand même. Quand même. Alors donc c'est très intéressant. Par contre, dans le cadre d'une mission martienne, on l'utilisera pas parce que, comme on l'a vu, le but c'est quand même d'aller le plus vite possible pour éviter les problèmes d'ionisation, enfin de rayons cosmiques. Et donc, on ne va pas s'amuser à faire des détours. Les problèmes de rayons cosmiques, justement, on n'en a pas parlé. C'est, voilà, si on envoie des hommes sur Mars, on veut y aller directement et le plus vite possible, parce qu'effectivement, dans l'espace, il y a des rayons cosmiques, des radiations, qu'on veut éviter. On aura l'occasion peut-être d'en reparler. Des questions? Avant de poser ma question, il me revient des vieux souvenirs. Si on se replace il y a 40 ans, en 73, donc, on est à la fin d'Apollo, début de la première station spatiale qui était Skylab. Si on avait dit aux astronautes de l'époque, vous savez, dans 40 ans, pour aller dans la station spatiale, eh ben vous prendrez un Soyouz. Je pense qu'ils auraient une crise cardiaque. Et pourtant, c'est ce qui se passe maintenant. C'est pour ça que je me demande toujours quelle est la vraisemblance ou la crédibilité, sans vouloir vous remettre en cause, de ce que l'on annonce maintenant pour dans 20 ans, 30 ans, etc. Parce qu'il y a parfois des démentis ou des évolutions qui ne sont pas ce qu'on avait espéré. Remarque. Je me permets juste de reprendre le micro parce que j'ai envie que vous réagissiez à ça avant que vous posiez votre question quand même. Parce que monsieur a totalement raison quand même. On utilise aujourd'hui pour aller sur la station spatiale des moyens qui remontent aux années 60. Tout à fait. On n'a pas encore la voiture qui vole non plus, alors que c'était effectivement envisagé. C'était monnaie courante dans les récits de science-fiction il y a quelques décennies, ouais. C'est sûr. Bah après, c'est sûr que avec la période Apollo, on a fait un énorme bond en avant. On est passé de rien à tout. À la Lune, qu'on a décroché la Lune en une dizaine d'années. Donc, c'est sûr qu'il y a eu un effort, en fait, qui a été fait. Ça représentait, alors ça, Richard saura mieux dire que moi, le pourcentage du budget américain que ça représentait par rapport à ce que ça représente aujourd'hui. Donc, c'est sûr que si on investit, on fait des progrès. Si on n'investit pas, on ne fait pas de progrès. Moi, je résumerai un petit peu comme ça, en fait. Richard Edman, c'était combien le... Je crois que c'est monté à 5%. 5% du PIB. Du PIB des États-Unis, ah, oui. Alors, je reviens à l'assistance gravitationnelle par les planètes. Ce que vous avez dit peut être complété par le fait qu'on s'est même servi de ça pour envoyer des sondes vers les planètes inférieures, vers le Soleil, oui. Tout ça, puisque au lieu de passer d'un côté, si on passe de l'autre, on réduit la vitesse et ça permet d'aller pour beaucoup moins cher vers le Soleil, sinon absolument. Il faut freiner la vitesse orbitale de la Terre, ce qui est énorme. Oui, tout à fait. Et alors justement, ça m'amenait à me demander, pour Mars, évidemment, on ne va pas passer par Jupiter, parce que ça serait un défi monumental, mais est-ce que la Lune donnerait une impulsion intéressante ou est-ce que c'est trop faible? Non, c'est négligeable. La Lune a une masse trop faible, c'est pas très intéressant. Par contre, je disais tout à l'heure qu'on n'utilisera pas pour Mars, c'est pas tout à fait vrai. Depuis quelques semaines, on sait que ça pourrait être vrai, puisque je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Est-ce que vous connaissez le nom de Denis Tito? Un petit peu, ça me dit quelque chose. Denis Tito, c'est un... L'ancien ingénieur de la NASA qui a ensuite fondé une société de conseil en engineering qui a fait fortune. Enfin, une fortune, c'est pas Bill Gates, hein, mais il est quand même multimillionnaire. Et il s'est payé, il y a une dizaine d'années, le premier vol de touristes payants sur un Soyouz, justement, vers la station spatiale. Et cet homme-là a décidé de lancer un projet de voyage vers Mars. Là, ça date du mois de février, donc c'est pas vieux. Il dit, moi, je vais lancer un projet consistant à envoyer un couple d'hommes, un homme et une femme, autour de Mars en janvier 2018. 18. Dans 5 ans. On se pose pas, hein. On fait juste le tour. Alors, c'est vraiment pour le fun, hein. C'est comme Lindbergh ou comme Blériot, ça sert à rien. Mais ça, on voit quand même que ça a eu des conséquences. Et le but, donc, c'est, je m'élance de la Terre, je passe derrière Mars et je reviens sans rien faire. Je ne fais même pas un tour de Mars. Non, le plus simple possible. C'est vraiment pour marquer les esprits et pour progresser aussi dans les systèmes de maintien en vie des astronautes. Et c'est 2018 justement pour profiter d'une circonstance exceptionnelle voilà, de position des planètes. Et dans ce cas-là, évidemment, on utilisera l'effet de front de Mars pour se placer sur la trajectoire de retour sans aucune manœuvre propulsive. D'accord. Effectivement. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, quand vous disiez il y a certaines trajectoires qui permettent, si la propulsion ne marche plus, de revenir vers la Terre automatiquement. C'est le cas. C'est ce qu'ils vont faire. Mais on n'utilise pas, encore une fois, Il faut qu'ils trouvent l'argent. Il a dit 1 à 2 milliards de dollars. Il a dit qu'il allait financer ça sur sa cassette personnelle pendant 2 ans. Oui, mais il n'a pas une fortune à ce niveau-là. Mais je l'ai rencontré il y a 15 jours à Washington lors d'un congrès. On a évoqué les différentes difficultés. Les difficultés techniques, il les reconnaît. La difficulté financière, il m'a dit « je suis confiant ». Ah, je suis confiant. Ouais, écoutez. Parce qu'il se trouve qu'il a une société de conseil Bon, lui, en lui-même, sa fortune est estimée à 200 millions. Ah, quand même. Ce qui n'est pas énorme. Pardon, excusez-moi. Ben non. Non, excusez-moi, c'est vrai, de nos jours, effectivement, 200 millions... Bill Gates, c'est 50 milliards. Ah oui. Ben oui. D'accord. Bon, par contre, il est en contact, son carnet de clients, carnet d'adresse, représente des milliers de milliards de dollars. Ok. De c'est là-dessus qu'il compte, en fait. Alors, il compte sur ses relations, en fait. Ouais, c'est ça. Une intervention de monsieur... Vous venez de répondre à ma première question, donc j'enchaîne tout de suite sur la deuxième. Quand vous évoquiez les propulseurs ioniques, vous employiez toujours des gaz rares, bizarres, des xénons, des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux ? Enfin, pourquoi est-ce qu'on choisit ce type de gaz ? Parce qu'ils sont faciles à ioniser, en fait. Donc ça va consommer moins d'énergie de les ioniser. Puis bon, alors après, je suis pas non plus sûre, mais ça, je suis pas assez calée, mais je crois pas que tous les gaz soient ionisables. En théorie, si, mais c'est vrai que ceux-là sont très faciles à ioniser. C'est la raison, hein. Cela étant, ça pose quand même un problème pour le xénon. C'est un produit rare. Hein, je crois que d'envisager des missions, on utiliserait 20 tonnes de xénon, par exemple. C'est faisable, mais ça représenterait quasiment la consommation, la production annuelle. Bon, par contre, le xénon, enfin, c'est tant qu'on reste sur des petits niveaux de puissance et des masses, par exemple pour du transfert d'orbite autour de la Terre, ça coûte cher, mais disons que on serait capable d'en produire même plus qu'aujourd'hui. Par contre, c'est sûr que pour de l'exploration et quand on va parler de plusieurs tonnes de consommation, là, il faut passer à autre chose, mais c'est pas forcément une grosse difficulté, non. Parce que utiliser le krypton, par exemple, à la place du xénon, on perd un petit peu en rendement. Mais bon, c'est pas dramatique, ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher, donc c'est pas bloquant. C'est faisable, du krypton. D'autres interventions au fond de la salle, non ? Et de ce côté-là, monsieur, je viens à vous. Oui, bonsoir. J'aimerais savoir, en fait, qu'est-ce qu'il en est de la coopération internationale, en fait, sur ces sujets. Est-ce que vous parlez beaucoup de moyens de propulsion, mais... Est-ce que c'est des équipes isolées qui développent ça ou est-ce qu'il y a une concertation ou... voilà. Alors vaste sujet, la coopération internationale. En termes purement de technologie, hein, de recherche, on fait sur la recherche, on va dire, de base, c'est quelque chose qu'on va plutôt faire en national, hein, parce que bon, forcément, si on trouve un truc génial... Ben, on préfère être les premiers à l'avoir, à le maîtriser, etc. Après, la coopération, on la privilégie maintenant au niveau européen, y compris sur des axes de recherche et de développement techno. Par contre, sur la coopération internationale au plus large, aujourd'hui, sur tout ce qui est les concepts avancés de propulsion, c'est quand même vraiment plutôt... Il y a pas de grands projets en coopération, à ma connaissance. Hein. Chacun étudie un peu le truc dans son coin. Donc nous, on essaye, notamment là, bon, sur les technologies de propulsion électrique de très forte puissance, on essaye de commencer à se concerter au niveau européen et un petit peu avec les Russes. Donc dans le cadre de l'Union européenne, en fait, les Russes sont des partenaires identifiés comme partenaires privilégiés. Et donc, nous, on est en train de... on a un projet là en cours actuellement pour se concerter. Le projet, c'est pas on développe un véhicule, c'est on se concerte. Qu'est-ce qui nous intéresse de faire ensemble, etc. Donc sur la thématique de la propulsion propulsion électrique très forte puissance. Très forte puissance, ça veut dire quoi ? C'est pour propulser quoi ? Très forte puissance, ça va être de la centaine de kilowatts à plusieurs mégawatts. Donc, mégawatts, bon, on a parlé déjà des applications potentielles. Après, avec une centaine de kilowatts, je peux faire un retour d'échantillon de Titan, par exemple. Enfin, pas avec 100 kilowatts, mais avec un mégawatt, je peux faire un retour d'échantillon de Titan. Donc, envoyer un système sur Titan qui se trouve autour de Saturne, voilà. Et revenir sur Terre. Voilà, par exemple. En fait... si on était capable de maîtriser de la propulsion électrique à très forte puissance, ça pourrait ouvrir en fait toute une panoplie de nouvelles missions. En fait, surtout, ça permettrait de les faire beaucoup plus vite, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on va se servir de l'assistance gravitationnelle, etc. Ces sondes-là, en fait, n'ont pas vraiment de moyens de propulsion en propre. Hein. C'est le lanceur qui va les placer sur une orbite autour du Soleil, puis c'est le Soleil qui fait le reste du boulot, puis les autres planètes, hein, qui fournissent une assistance gravitationnelle. Mais en fait, il n'a pas vraiment de moyens de propulsion en propre. Juste de quoi contrôler son orientation, etc. Donc si ces sondes-là étaient équipées vraiment d'une propulsion, hein, d'un moteur électrique, enfin comme l'était la sonde Smart, ben là on pourrait commencer à envisager des missions qui se feraient pas en 10 ans mais en 5, voire moins, selon, donc tout ça étant proportionnel, hein, à la puissance disponible. Donc Et ces 100 kilowatts, vous les obtenez comment? Avec un réacteur? Alors, ça dépend complètement de là où on veut aller. Hein. Si on reste autour de la Terre ou entre la Terre et Mars, à 100 kilowatts, les panneaux solaires ne posent absolument pas de... Enfin, bien sûr, on n'en a pas encore fait aujourd'hui, hein, et ça serait quand même de très grands panneaux solaires. 100 kilowatts, c'est à peu près la puissance de la station spatiale? Oui, alors je crois qu'elle peut monter en pointe à 200. Oui. Mais voilà, ça donne une idée de la taille. Alors c'est vrai que les panneaux solaires ont fait quand même des progrès, mais disons que c'est ça l'idée, quoi. Alors par contre, le flux solaire autour de la Terre, c'est 1300 watts par mètre carré. Jupiter, il y en a plus que 50 watts par mètre carré. Parce que plus on s'éloigne, forcément, plus on s'éloigne, moins le solaire a sa carte à jouer. Hein. D'accord. Qui voudrait poser une question? Tout d'abord, bonsoir. J'ai une question parce que vous avez évoqué quelques fois la fusion. Qu'est-ce qu'il en est des moteurs à fusion actuellement et qu'est-ce que ça donnerait? Alors on en est très loin, hein, parce que on en est encore plus loin que l'azote 8, encore plus loin que le réacteur nucléaire et tout ça. Alors récemment, la NASA a fait un peu une annonce comme quoi ils allaient tester un moteur à fusion. Dans les faits, ils sont en train de construire une expérience. Je pense qu'ils feront des essais effectivement d'ici 5-6 ans, mais ce qu'ils comptent essayer, je crois, c'est vraiment juste le process pour la démarrer, mais même pas l'entretenir en fait. Hein. Donc, globalement, on en est encore très loin. Je pense que tant que ITER n'a pas porté ses fruits, nous, on ne va pas s'y intéresser de façon sérieuse. Quoi. ITER, c'est ce prototype de réacteur, hein, qui. Serait à base de fusion. Oui. Ouais. Le problème d'utiliser la fusion en propulsion spatiale, il est encore bien plus difficile. Alors, la fusion, il faut rappeler quand même d'un mot. Hein. Bah, la fission et la fusion. La fission, c'est un atome lourd. C'est la réaction physique qu'on utilise hein, dans les réacteurs nucléaires aujourd'hui. Oui, dans la fission, c'est un atome lourd qui, en se coupant en deux, fournit de l'énergie. La fusion, c'est le contraire. Deux atomes légers, par exemple d'hydrogène, en se combinant, fournissent un atome plus lourd, mais en dégageant de l'énergie aussi. Donc, la fusion, on ne la maîtrise pas aujourd'hui. Si, dans les bombes atomiques. Dans les bombes atomiques, oui. Le problème de la bombe atomique, c'est que la bombe à hydrogène, pour l'amorcer, le problème pour que la fusion marche, il faut maintenir une température extrêmement élevée pendant une durée suffisante et avec une pression suffisante. Et ce sont des températures gigantesques, des pressions gigantesques. 10 millions de degrés. Alors c'est ce qu'on fait, c'est pourquoi dans la bombe à hydrogène, on a en fait une bombe atomique donc à fission qu'on allume, et c'est elle qui va allumer la réaction de fusion. C'est elle qui va produire la température nécessaire. La température et la pression et le choc nécessaire. Ouais, c'est ça. Alors évidemment, on imagine mal faire ça pour se propulser, on ne va pas faire exploser le vaisseau. Alors, l'idée serait plutôt de faire des petites billes de l'ordre du centimètre, quelques millimètres, d'hydrogène gelé ou d'un mélange fusionnable, hydrogène de thorium par exemple, et d'envoyer sur cette bille des lasers qui viendraient converger avec une simultanéité parfaite ou des canons, des électrons lancés par des canons électrons qui viendraient comprimer cette petite bille jusqu'à ce qu'elle atteigne une température qui la fasse fusionner. Fusionner, d'accord. Et avec ça, avec cette petite... Alors, ça fait une micro-explosion. Micro-explosion. Au lieu que ça soit une bombe atomique, ça dégage l'énergie, mais de façon raisonnable. Et on récupère cette énergie sur un bouclier. Et ça fait un effet de propulsion. Alors, d'accord. Voilà le schéma de base. Alors, ce qu'il faut dire... Autant dire que pour faire ça dans l'espace... Hein, avec toutes les masses des aimants et des canons, etc., électrons, etc., ça paraît quand même pas très réaliste. Pas très réaliste. Mais il y a quelques années, une dizaine d'années, une percée, moi je considère tout à fait fondamentale. Il y a un Américain qui a proposé, au lieu d'allumer la fusion par ce moyen un petit peu barbare de compression, il propose de l'allumer par un tout petit peu d'antimatière. Ça, c'est pas barbare, ça. C'est moins barbare, à mon avis, parce que... D'accord. Alors, l'antimatière, vous savez que c'est, d'une part, c'est très difficile à produire et très onéreux à produire, et en plus, on ne sait pas la conserver. Enfin, on en conserve un petit peu, mais... Parce que quand une particule de matière rencontre son antiparticule... Ça s'annihile. Ça s'annihile. En énergie électromagnétique. Donc, il n'y a plus de matière, voilà. Mais il y a un rayonnement qui est produit de l'énergie. Voilà, hein. L'énergie, la masse est entièrement transformée en énergie. Alors, c'est pour ça que dans les livres de science-fiction, on a des moteurs matière-antimatière. Voilà. L'idée de cet Américain, c'est de dire, ben, j'envoie un tout petit peu d'antimatière dans ma petite bille, là. Ça va faire une réaction qui va allumer la fusion. Ah, d'accord. C'est ce qu'on appelle la fusion catalysée par fission. C'est très élégant comme solution. Un peu... C'est de la science-fiction. Théorique, voilà. C'est encore de la science-fiction. D'autres interventions ? Comment on la fabrique, l'antimatière ? Demande monsieur. Ben on la fabrique dans des accélérateurs de particules. Hein, au CERN, par exemple, vous avez... Il a quelle taille votre accélérateur de particules là, au CERN? Ah oui, c'est ça, il faut le CERN. Le CERN, c'est quoi? C'est 27 km de circonférence, oui, quelque chose comme ça. Bon, on n'est pas obligé d'en avoir quelque chose d'aussi grand d'accord, pour faire de l'antimatière. Mais c'est le bilan énergétique qui est désastreux. C'est-à-dire que le rendement entre l'énergie stockée sous forme d'antimatière et l'énergie que je vais injecter dans votre accélérateur pour le produire, c'est un désastre économique. Donc, déjà de ce côté-là, ça pose un problème. Et puis ensuite, il faut la conserver. Alors, le maximum qu'on arrive à conserver dans ces 12 000 antiprotons, non, c'est rien du tout, quoi. Je veux dire, on est dans le béaba. Donc, voilà. Si Elisa avait patienté 5 ans pour épouser son Morano, elle aurait pu passer sa lune de miel dans une navette en haut du ciel. Mais Morano, il pouvait pas attendre pour épouser sa tendre. Faut dire que c'est pas commun, sauf erreur, une fille qui s'y connaît autant en moteur. Bon, c'est Moreno, hein. C'est Moreno, voilà. On ne va pas écorcher vos noms, parce que vous partagez le même nom maintenant. D'autres questions, peut-être ? Ou alors on peut s'arrêter une seconde sur les voiles solaires. C'est une solution très élégante aussi. On en a un exemple ? Ah non, on n'en a pas d'exemple, là. Si, non. Si, on en a un exemple. Non, où est-ce qu'elle est ? Ah, pardon. Au verso de l'ascenseur spatial, derrière ça, vous avez des voiles solaires. Vous avez deux magnifiques voiles solaires. Il faut tourner la page où on voit l'ascenseur spatial. Voile solaire. Alors, qu'est-ce que c'est que ces voiles solaires ? C'est magnifique, c'est beau, c'est écologique. Alors, ben, c'est bien d'en parler aujourd'hui, parce que c'est l'anniversaire du lancement de Icaros, qui est la voile solaire que vous voyez à gauche, qui a été lancée par la JAXA en 2010. Donc, la JAXA, c'est l'agence nippone. Voilà, c'est l'agence spatiale japonaise. Et donc, cette voile, elle fait 20 mètres de diagonale. Elle fait en gros 200 mètres carrés. Et elle a permis de démontrer le concept hein, de propulsion par pression des photons sur la voile. Alors, il se trouve qu'en plus, elle a des petites cellules photovoltaïques, hein, donc des petits panneaux solaires en plus, pour alimenter finalement la charge utile qui se trouve au milieu en électricité. La charge utile, c'est donc quoi le... C'est ce qu'on voit au milieu, oui. Là. Donc en l'occurrence, là, ils avaient un lest, en fait, là, parce que c'était vraiment une expérience qu'ils ont eue. Ils ont dû la développer en 2 ans parce qu'on leur a dit, pour la sonde qu'on va envoyer vers Vénus, en fait, on a besoin d'un lest de 300 kilos. Donc, qu'est-ce que vous nous proposez qui vous intéresse à mettre qui fait 300 kilos, quoi. C'est une masse inerte. Oui, alors bien sûr, il y a de l'instrumentation, mais ils auraient pu faire quelque chose de plus optimisé. Voilà, donc sur la photo de gauche, là où on voit cette espèce de cercle avec une sorte de quadrillage, si je puis dire, ou des lignes, là, on peut imaginer un jour avoir une sonde qu'on appelle une charge utile, avec des instruments, etc., un moteur supplémentaire, etc. Voilà, alors la voile solaire, ça, sa principale problématique, hein, c'est qu'il y a besoin de surfaces gigantesques. Elle est poussée par quoi d'abord ? Alors elle est poussée par les photons émis par le soleil. Donc le photon, c'est une particule qui a beaucoup d'énergie mais qui a pas de masse. Et donc en fait, quand cette particule vient rebondir contre la voile, elle applique une poussée. Alors par contre, au niveau de la Terre, il faut quelque chose. Il faut 1 km² pour fournir 9 newtons. Hein. Donc c'est 1 km² pour 9 newtons. Pourquoi vous parlez de 9 newtons ? Ça représente quoi 9 newtons ? Non, mais c'est juste parce que c'est ce qui marche avec 9 le kilomètre carré. C'est la poussée. C'est une poussée de 200 grammes. 900 grammes. Ah, 900 grammes. Oui, 900 grammes, d'accord. C'est un paquet de cartes postales. Les voiles solaires, un certain nombre d'entre vous ont certainement. N'ont certainement eu en main. Vous savez, ces petits jouets, ces espèces de sphères en verre transparentes dans lesquelles il y a une espèce de moulin qui tourne quand on le met devant une lampe. C'est des petites ailettes qui sont noires d'un côté et brillantes de l'autre, si bien qu'il y a un côté qui absorbe la lumière, l'autre qui la réfléchit, et ça fait tourner le bazar. Voilà. Les photons, c'est les particules de lumière. Ah oui, il faut que ce soit du vide pour que ça ne freine pas. Pour que ça freine pas. Mais là, c'est le cas, on est dans le vide. Oui, bien sûr, ça va de soi. Ok. Alors donc, il y a eu un test, Icaros, qui a été concluant. Il y a eu un test américain aussi. Mais qui est resté plus ou moins en orbite basse. Hein, ouais, faut bien voir que le test, à mon avis, ce qui importe, c'est pas de tester le principe. La physique nous dit que ça marche. Ce qui est important, c'est tester les problèmes de déploiement. Que ça pose. Ah, oui, de d'accord. Packaging. Comment l'emmener tout replié dans la fusée. Et ensuite, comment faire pour qu'il se déploie proprement, sans déchirer, sans que ça se casse, etc. Hein. Ça, on ne sait pas encore faire. Bah si, ils l'ont fait. Sur 200 mètres carrés. C'est un début. Ouais. Parce qu'il faudrait évidemment des surfaces gigantesques pour aller... Et puis là aussi, plus on s'éloigne du soleil, moins cette solution est efficace. Voilà, il ne faut pas être pressé. Ah oui, d'accord. La voile solaire, il ne faut pas être pressé. C'est clairement pas une solution pour les missions habitées ou les missions rapides. Donc, c'est élégant, mais on peut l'imaginer pour quel type de mission et quel horizon ? Pour des petites sondes scientifiques de la classe 100 kg, 200 kg, qui iraient pas beaucoup plus loin que Mars. D'accord. Voilà. Là, ça peut être intéressant. Si on n'est pas pressé, comme dit Edith. Pas pressé, parce que pour rejoindre Mars, qui se trouve à quelques centaines de millions de kilomètres, il faut combien de temps ? Qui n'est pas beaucoup plus loin que nous du Soleil, une fois et demie, disons, donc la lumière est seulement deux fois moindre, donc ça peut encore fonctionner. Et je ne sais pas combien de temps on mettra un voile solaire, au moins 2 ans peut-être quand même. D'accord, quelques années. Et alors on a une autre image là à droite, qu'est-ce que c'est ? Là, c'est la NASA. Aussi, c'est aussi une voile solaire, mais c'est une image d'un concept là de la NASA. Alors, je ne sais pas exactement où ils en sont, mais c'est sûr que c'est une technologie comme on ne consomme pas de carburant. En fait, on emmène juste la voile et après, on ne consomme rien. Donc, c'est sûr que c'est un concept qui est super élégant. Et en plus, la voile qu'on voit qu'a volé, elle faisait 15 kilos pour 200 mètres carrés. Donc, c'est quand même quelque chose qui est très léger. Hein. Mais on pense être capable de faire encore mieux. Et du coup, ça peut devenir quand même une technologie intéressante pour des petites sondes. Hein. Moi, c'est quelque chose auquel je crois, personnellement. Pour des petites sondes, pas pressées. Pourquoi pas pour des nanosatellites, pourquoi pas des satellites étudiants, à la limite, si quelqu'un leur propose une technologie... Sur étagère, voilà, une petite voile sur étagère, pas chère. Alors, il y a une variante de cette technologie qui, moi, je trouve assez excitante, mais qui est beaucoup plus futuriste. C'est au lieu d'utiliser la poussée des photons, on va se servir du flux de particules électrisées qu'envoie aussi le Soleil. Vous savez que le Soleil nous envoie des protons, etc., en quantité extraordinaire. Et dans ce cas-là, on va les capter avec une voile magnétique. C'est-à-dire qu'on va créer autour du vaisseau qu'on veut envoyer un champ magnétique qui va dévier ces particules de flux solaire. Et cette simple déviation, ça va créer une poussée. Puissance électrique à bord pour générer un champ magnétique très important. C'est au stade du labo, c'est une idée quoi. On appelle ça la voile solaire également, c'est la voile magnétique. La voile magnétique. Justement, à propos de ces voiles, je m'étais laissé dire il y a déjà un bout de temps qu'il avait été lancé une compétition, un peu comme le Vendée Globe ou quelque chose comme ça. Qui consistait à lancer un défi et qui arriverait jusqu'à la Lune avec une voile comme ça. Est-ce que vous avez des nouvelles de ce genre de choses ? Je ne sais pas tout ce que c'est devenu. Je connais l'existence de ce projet. Il me semble qu'il y a pas mal d'années qu'on n'en a plus parlé. Oui, voilà, ça date d'après ce que nous dit Christophe Bonald, ça date déjà de 20 ans et c'est tombé à l'eau. Le problème, c'est que les gens n'ont pas les moyens de se financer. C'est un peu comme le concours actuel, le X-Prize, de faire atterrir un robot sur la Lune et de le faire parcourir une certaine distance. C'est des prix qui excitent beaucoup les gens, mais il faut arriver jusqu'au bout et ça demande d'avoir des sponsors, quoi. Bon, puis après, les grandes surfaces comme ça, quand typiquement, c'est vrai que sur la photo de la NASA, là, on la voit, la voile, elle est déployée juste à côté de la Terre sur une orbite visiblement basse. Ça, par contre, c'est clairement pas forcément une bonne idée, hein, parce que il y a pas mal de débris, hein, dans ces orbites-là, et donc on risque quand même de la trouer, hein, quelque chose qui a tant d'envergure que ça. Même déjà, on se pose la question sur des trajectoires interplanétaires de, et si je me prends une micrométéorite, faut qu'elle y résiste, ou alors ça va passer à travers, bon, ça va faire perdre un petit peu de perfo, faut pas que ça écroule complètement la voile, etc. Mais bon, clairement, en orbite basse, par contre, faut oublier. Hein. Des voiles solaires, mais pas en orbite basse. Ah, il y a un autre projet. Alors, on a beaucoup parlé de Mars, d'ailleurs, ce soir. C'est normal, hein, on a le fondateur de Planète Mars ici. Et puis, voilà, c'est un horizon qu'on imagine, qui a été remis au goût du jour par Denis Tito avec son projet Inspiration Mars. Et puis, par un Néerlandais aussi. On va en dire deux mots, quand même. Bas Landorf, si je me souviens bien. Oui. Et alors, lui, il a un autre projet qui s'appelle Mars One. Oui. Vous pouvez nous le décrire, Richard Edman ? Alors, c'était quelques mois avant. Oui, ça fait à peu près un an. Alors, ça fait pas mal de buzz parce que l'idée est assez époustouflante. Et en plus, il a bénéficié du soutien d'un physicien fameux, un physicien théorique, Antoff, qui est connu, très connu. Enfin, qui est un prix Nobel. Qui est un prix Nobel et qui a appuyé le projet. Bon, alors lui, son idée, il dit on se complique la vie. Aller-retour sur Mars, c'est vraiment compliqué. Il n'y a qu'à faire un aller simple. On trouvera des volontaires. Et effectivement, il a fait appel à candidature. Je crois qu'il a eu pratiquement 8000 candidats. Ah, mais c'est 8000, mais excusez-moi, Chaban, mais vous datez. 8000, c'était il y a un mois, on est à plus de 72 000 là. Bon, d'accord. Et en plus, on peut voir les vidéos. Hein. Vous allez sur le site de Mars One et vous avez les gens qui sont invités à faire une petite vidéo. Et donc, avec leur petite webcam dans leur chambre en désordre, on a les gens qui disent « Oui, oui, moi, je vais aller sur Mars pour telle et telle raison. » Bon, ouais, ça prouve dans toutes les langues. C'est une idée, c'est un concept qui intrigue les gens, qui les intéresse. Alors, le problème, donc, effectivement, techniquement, c'est beaucoup plus simple, parce que vous faites atterrir une sonde et puis vous n'avez pas à revenir. Par contre, c'est quand même plus compliqué que Inspiration Mars, qui ne se pose même pas sur Mars. Oui, hein. Oui, bien sûr, c'est bien plus compliqué. Mais, parce que se poser sur Mars, c'est quand même pas une simple affaire. C'est pas évident. Alors, le problème, c'est que ces gens-là, d'accord, ils sont d'accord pour rester sur Mars, mais il faut qu'ils survivent quand même. Un petit peu, hein, un petit peu, tant qu'à faire. Alors, avant qu'ils soient capables de produire eux-mêmes leur nourriture, leur air, leur eau, de façon autonome, il faudra qu'ils aient atteint une certaine taille de colonie, je dirais. C'est pas un premier atterrissage qui permettra de le faire. Donc, parce qu'on envoie des gens, je crois que c'est 6 personnes tous les 2 ans. Tous les 26 mois. Tous les 26 mois, voilà, c'est ça. Et l'idée, c'est qu'on accumule les... Et on accumule, et personne ne revient, on les laisse, sur place. Oui, oui. Ils sont volontaires pour rester et donc finir leur vie là-bas. D'accord. Mais le problème que ça pose, c'est qu'il faut être sûr, lorsqu'on lance le programme, que les sponsors, que ce soit les gouvernements ou des privés, sont d'accord pour continuer à financer année après année. Ah oui. Et oui. Si le programme est lancé et qu'au bout de 5 ans, on dit c'est complètement con, c'est il y en a pas marre, génial, ouais, il y en a ils marre. Nous embêtent, c'est ceux-là, voilà, ils ont qu'à crever, ça va pas, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas très réaliste. Mais alors comment il se finance, lui ? Je crois qu'il se finance pas pour l'instant. Ah, mais si, il a un projet. Il faut payer, hein, pour être candidat. Alors je crois que c'est symbolique, mais bon, fois 72 000, bon, ça nous emmènera pas sur. Mais surtout, il veut faire une émission de télé-réalité, oui, avec ça. C'est un peu aussi l'idée de Denis Tito, d'ailleurs, c'est de faire supporter, enfin de combler une partie de son besoin financier par des émissions de télévision. Donc il est en contact avec des grands... Mais lui, il veut carrément faire une émission de télé-réalité. Oui. Vous pourrez vous-même voter pour choisir les 6 personnes qui partiront sur Mars. Ouais. Et puis vous serez évidemment passionné. Moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que sur leur site, il y a beaucoup d'informations techniques sur les caméras et les moyens de communication qui seront mis en œuvre et combien il y aura de jacuzzi et de lofts, etc. Par contre, sur comment on y va, voilà, ça, ça. Ouais. Le blackout. Parce que Denis Tito, lui, au moins, il a publié, enfin, il a produit un papier scientifique. Ah oui, il y a une étude scientifique. Extrêmement sérieux, oui. Ouais. Oui. Ce qui n'est pas le cas de Mars One. Ouais. OK, d'autres interventions sur Twitter avec Célia. Alors, nous avons une question d'un étudiant en première S, passionné par le spatial, qui demande si les moteurs à propulsion ionique permettent de repartir d'une planète sans atmosphère et sans aide au décollage. Non, la propulsion ionique, elle est envisagée que pour faire du transfert une fois qu'on est déjà en orbite autour d'une planète. Donc, il faut déjà être en orbite autour de la Terre. Et on utilise le moteur ionique qui pousse longtemps, mais très peu. Voilà, parce qu'en fait, le problème... Une fois qu'on est en orbite. Même si t'es une planète sans atmosphère, on est dans le vide, etc., il faut quand même... Mars est quasiment sans atmosphère, c'est très terrible. Ouais, oui, mais de toute façon, ouais. Le problème du propulseur électrique, c'est que si on voulait le faire décoller, il faudrait qu'il soulève son poids. Or, il n'est pas capable de soulever son propre poids. Donc, problème clos. D'accord, il n'est pas assez costaud pour ça. Oui, Roger Redman. Non, rien à dire. Donc, comment est-ce qu'on redécolle de Mars alors pour revenir L'idée, nous, qu'on prône, c'est d'utiliser un moteur qui utilise des propergols fabriqués sur place. Alors, effectivement, j'ai parlé de la fabrication de méthane et d'oxygène sur place, à partir donc de CO2 de l'atmosphère et d'hydrogène apporté de la Terre. Ce qui est retenu actuellement, parce que c'est quand même assez compliqué, ça, il faut amener de l'hydrogène liquide de la Terre. L'idée plutôt retenue actuellement, ça serait de se contenter de fabriquer l'oxygène sur Mars. Le méthane, on l'apporterait depuis la Terre. Et c'est assez rationnel parce que l'oxygène, dans le mélange des deux, représente 80% de la masse. Donc, on ne perd que 20% de la masse, si vous voulez. Et c'est beaucoup plus simple de fabriquer que de l'oxygène. Et puis un truc qu'on n'a pas dit, c'est que dans tous les cas, quand on envisage de la propulsion avec de l'hydrogène et de l'oxygène sur les trajectoires interplanétaires, c'est que l'hydrogène, il a tendance, une forte tendance à s'évaporer, l'oxygène aussi d'ailleurs, mais dans une moindre mesure. Et donc de toute façon, il faudra quand même développer des technologies pour éviter l'évaporation de l'hydrogène, parce que sinon, on devra emmener des quantités qui seraient trop importantes pour rendre la chose intéressante. Michel a encore quelque chose à nous dire. Nos ancêtres, pour aller sur la Lune, ne mettaient pas les petits plats dans les grands. Nos ancêtres, pour aller sur la Lune, n'avaient pas besoin de blabla de cancan. Pas de fusée haute, pas d'habits de cosmonaute, pas de panse de baleine, pas de chaise à propulsion, pas besoin d'obus ni d'avion à réaction, pas de bicyclette ni de trottinette à roulette. Nos ancêtres, pour aller sur la Lune, se regroupaient pas à Cap Canaveral. Nos ancêtres, pour aller sur la Lune, n'avaient pas besoin de tout ce carnaval. Ils se mettaient devant la fenêtre, regardaient tomber la pluie, tout se brouillait dans leur tête en une longue rêverie. Ils se retrouvaient soudain en apesanteur, sautant sur le régolithe et le norite creep de la croûte sélénique. Parfois s'imaginant tout nu, ils s'envolaient droit sur Vénus ou bien sur la Voie lactée pour savourer un bol de lait. Nos ancêtres pour aller sur la Lune ne se posaient pas des milliards de questions. La pluie glissait aux vitres de leur turne. Ils avaient inventé la téléportation. Grande forme, Michel, mais qu'est-ce que t'as bu? Bon, c'est l'effet Mars, hein, il faut croire. Ou c'est la pluie qui t'inspire, hein, toi aussi, on a des fenêtres et on peut regarder la pluie par la fenêtre. La Lune n'est pas encore levée, mais ce sera bientôt le cas. D'autres interventions, questions? Qui voudrait discuter avec nos intervenants? Ah, peut-être qu'on peut continuer notre... Ah, d'accord, je viens jusqu'à vous, monsieur. Et ensuite, on va regarder peut-être l'ascenseur spatial qui est assez étonnant, monsieur. Vous avez parlé tout à l'heure de difficultés techniques pour l'hypothèse de Denis Tito, là, de faire un tour. Quelles sont ces difficultés techniques, s'il vous plaît? Bon, c'est très simple, il y en a deux. La première, c'est du fait qu'il va, au retour, emprunter une trajectoire qui va passer plus près du Soleil que la Terre, une trajectoire rentrante. Il va avoir une vitesse de rentrée dans l'atmosphère de la Terre beaucoup plus élevée que ce qu'on a expérimenté sur Apollo. Et donc, au moment où on arrive sur la Terre, quand il rentre dans l'atmosphère, beaucoup plus vite. On va beaucoup plus vite que ce qu'on a fait, que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, théoriquement, c'est pas un problème insoluble. On va dire, il suffit de faire un bouclier plus épais. Mais il y a quand même un certain nombre d'inconnus. Et, enfin, moi, personnellement, je considère qu'il serait très hasardeux de faire cette mission avant d'avoir essayé. Il faudrait faire un essai de ce bouclier un peu spécial. Mais il le dit lui-même, hein, Denis Tito, oui. dans son document technique. Hein, il a bien identifié ce problème-là. Hein. La difficulté, vous rappelez des vitesses, du différentiel de vitesse entre Apollo... 14 km secondes. Pas loin de 14 km par 14 seconde. 14 km secondes, ça c'est l'arrivée de Denis Tito, si je peux dire. Et c'est quoi, 8... 11 et demi, je crois. 11 et demi depuis la Lune. 11 et demi pour Apollo, oui. D'accord. Ouais. Et le nombre de géants TC... Ça va avec, hein. Si le bouclier tient, il faut... Ça va avec, c'est sûr. Donc, ce qu'ils envisagent, en fait, c'est de pas forcément faire une rentrée directe. Ils vont faire une aérocapture, ils vont faire un freinage partiel, se mettre sur une orbite très elliptique. On voit que c'est pas simple. Hein. Et la deuxième grande difficulté... Peut-être s'arrêter une seconde sur l'aérocapture. Oui. L'idée, c'est de traverser l'atmosphère terrestre. Enfin, la frôler, oui. Oui, la frôler. Enfin, passer dedans, quand même. Oui, d'accord. Oui, jusqu'à 60 km d'altitude. On passe dedans, mais sans rencontrer la Terre. Oui. Hein, donc, on a une sorte de trajectoire... On fait une belle traînée dans le ciel. Une belle traînée dans le ciel. Ah, ça va être beau à voir, alors. Et on repart. Et on revient sur... Et on revient une deuxième fois. Sur Mars. Sur Terre, pardon. On a une trajectoire très elliptique. Et puis donc, il s'éloigne de la Terre. Puis on revient. Et là, on descend triomphalement en se posant... On l'espère. Voilà. On l'espère. Donc, on voit que ça, c'est déjà assez musclé. Alors, j'ai vu dans le document technique que vous traversez, il est possible, hein, selon certaines trajectoires, vous traversez l'atmosphère terrestre et vous allez jusqu'à quelque chose comme 350 000 km de la Terre. Oui, vous pourriez presque toucher la Lune. Selon l'altitude à laquelle on passe au premier passage. Voilà, c'est ça. Voilà. Selon l'altitude à laquelle on passe au premier passage. Mais il ne faut pas repartir à l'infini. Hein. Oui, tant qu'à faire. Oui, d'accord. Oui. Et la deuxième difficulté est d'une nature totalement... Disons, cette difficulté-là, c'est une difficulté physique, de matériaux. Alors, on part dans 5 ans. Hein, c'est là où ça devient un peu compliqué. C'est ça le problème. Et le deuxième problème technique, c'est celui du système de maintien en vie des astronautes, c'est-à-dire ce qui va leur permettre de recycler leur air, leur eau, de conserver leurs aliments, de gérer la température, etc., etc. Et ça, bon, on le fait sur la station spatiale. On a les briques, on sait ce qu'il faut faire. Le problème, c'est qu'il faut faire un système qui soit fiable pendant 2 ans et demi. Hein? Parce que de temps en temps, dans la station spatiale, il y a des pannes. Il y a des toilettes là qui se sont bouchées une fois, des trucs comme ça. C'est une panne idiote, hein, mais ça arrive. Hein? Tous ceux qui ont fait de la navigation, c'est problématique, là, pendant 2 ans et demi, la navigation des toilettes bouchées, croisière, c'est compliqué, ouais. Connaissent ça. Bon, la solution, bon, évidemment, c'est d'abord de faire un système le plus fiable possible, mais il faut surtout qu'il soit réparable. Et ça, c'est une habitude de conception qu'ont pas tellement les industriels de l'espace, parce qu'ils sont plus habitués à fabriquer des sondes, des satellites automatiques, à qui on demande d'être fiable, mais pas réparable, par évidence. Donc c'est un petit peu un changement, et Tito insiste beaucoup là-dessus. Sur la réparabilité. Tout soit réparable. Voilà, avec des secours manuels à chaque fois, des trucs interchangeables, etc. Mais en 5 ans, il faut le faire. Hein. Et puis on peut ajouter à ça aussi que le lanceur qui est censé lancer ce véhicule, petit détail, il ne vole pas encore. Donc c'est pareil que dans 5 ans... Il n'y a pas de lanceur aujourd'hui capable de faire cette performance. Capable de faire cette performance, ouais. Il n'existe pas. Donc on avait pensé... Il est prévu, voilà, il est prévu, il est sur une roadmap. Mais il n'est pas qualifié et a fortiori vol habité quand même. La capsule non plus. La capsule non plus. Vol habité, ça veut dire qu'il faudrait que ce soit quand même un lanceur qui soit extrêmement fiable. Extrêmement fiable. Ouais. Oui, enfin, là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ah non? Non, ben non, puisque... Les hommes, c'est consommable, c'est comme dans Mars One. Non, mais ce n'est pas ça, mais il faut comparer les risques. Oui. À partir du moment où vous vous engagez dans une mission aussi risquée, Est-ce que ça a un sens de demander de requérir un lanceur dont la fiabilité est de 0,999? Ça n'a aucun sens. C'est comme quand les gens disent... Juste pour quand même aller jusqu'à Mars, voire Mars, quoi. C'est comme quand on parle des radiations, on dit « Ah, oh, mais vous ne vous rendez pas compte, ça augmente la chance d'attraper un cancer 30 ans après de 3%. » 3%, oui. D'accord, mais si on compare ça au risque technique que la fusée explose, qu'ils arrivent à décoller de Mars, etc., ouais. C'est ridicule. Ouais. Non, parce que cette histoire, elle est quand même très belle d'envoyer des hommes sur Mars, mais si ça rate... Si c'est une, voilà, s'il y a un accident et s'ils périssent dans l'espace. C'est bien le problème actuel. Ça va refroidir les ardeurs et notamment celle de l'association Planète Mars, non? Non, pas nous, mais. Non, pas vous. Non, vous, au contraire, vous êtes toujours vaillants. Nous, on a toujours dit que, j'ai eu souvent des discussions assez dures avec des grands pontes, des vieilles barbes de l'espace là-dessus. On est trop, conservateur. Risque adverse. Risque adverse. Mais adverse au risque. Voilà, adverse au risque. Mais c'est pas propre au spatial. C'est un problème de société. On veut être garanti de tout, prendre aucun risque. Et en matière d'exploration, ça n'a aucun sens. Hein? On peut le comprendre pour un petit vieux qui veut pas qu'on lui file de la viande de cheval au lieu de bœuf. À la limite, ça, je veux bien le comprendre. Mais pour des explorateurs qui sont volontaires, pour découvrir un nouveau monde, il faut bien admettre que c'est une opération forcément risquée. Alors évidemment, il faut minimiser le risque, mais on sait que ça sera intrinsèquement risqué. Et ça, on n'y est pas tout à fait prêt. Les politiques ne sont pas tout à fait prêts à ça. Mais le problème, c'est que la vie a une autre valeur aujourd'hui qu'il y a 100 ans ou même qu'il y a 50 ans, non? Vous n'avez pas cette impression-là? Qu'on est tous habitués. On a tendance à surestimer le prix de la vie, de mon point de vue. Oui, c'est ça. Oui. Et ça, c'est un problème de vaste de société, monsieur. Comment on peut protéger justement les astronautes des rayonnements cosmiques pendant le voyage? Quelle technologie Alors, c'est une situation, enfin, un problème assez compliqué. En fait, il y a deux types de rayonnements qui sont dangereux. Il y a ce qu'on appelle les orages solaires ou les événements de particules solaires, et il y a les rayons cosmiques. Alors, les orages solaires, ce sont des épisodes aléatoires qui durent de quelques heures à 24 heures au maximum, qui sont des moments où le Soleil émet des bouffées essentiellement de protons, donc qui ont des énergies moyennes, enfin importantes, mais relativement faibles par rapport aux rayons cosmiques. Et qui par contre sont très intenses en flux. Il y en a beaucoup, mais les particules sont pas trop énergétiques. Alors ces événements-là, si on s'en protège pas, peuvent être mortels. Hein. Et entre parenthèses, les astronautes d'Apollo ont eu de la chance parce qu'on s'en était pas vraiment préoccupé. Et en 72, je crois qu'il y a eu un événement particulièrement violent qui s'est produit entre deux missions Apollo. Bon. Par contre, ces particules-là, ces événements-là, on peut s'en protéger relativement facilement. Quels sont les effets? Ah ben, les effets, c'est la maladie des radiations. Hein. C'est comme si vous étiez... Donc je suis irradié. Vous êtes irradié, vous perdez vos globules, vous faites des hémorragies. D'accord, donc C'est des signes aigus. C'est pas aigu, voilà, c'est pas des cancers au bout de 30 ans. Voilà, c'est ça. C'est la mort immédiate. C'est pendant le voyage. Ou la mort, ou une maladie très grave pendant. Alors, par contre, on peut s'en protéger assez facilement parce qu'ils sont pas très énergétiques. Et le bon écran, c'est tout ce qui contient d'hydrogène. De l'hydrogène liquide, bien sûr, de l'eau, de la matière organique, des réserves d'aliments, du polyéthylène, tout simplement, d'une matière plastique. Pourquoi l'hydrogène? Parce que quand une particule arrive sur un noyau d'hydrogène, elle va rebondir, mais elle ne va pas le casser en morceaux. Tandis que si elle arrive, on dit souvent, on n'a qu'à mettre des écrans de plomb. Bon, c'est très mauvais, le plomb, parce que si un proton solaire percute un noyau de plomb, il va le casser en mille morceaux, et ça va faire des rayonnements secondaires, ça sera encore pire que le mal. Bon, donc ça, ce qu'il faut, c'est que dans le vaisseau, il y a un abri, une espèce de petit cagibi, si vous voulez, tapissé de polyéthylène, par exemple, ou derrière les réserves d'eau. Et lorsqu'il y a une alerte solaire, hop, ils vont tous se réfugier là-dedans et attendre que ça se passe. Et l'événement protonique, alors, là, il dure combien de temps? Maximum 24 heures. Ah, il faut quand même rester 24 heures dans le KGB, alors. Oui, mais ça, c'est pas un problème. Hein. Ah bon, d'accord. Oui, c'est vrai que quand on est prêt à prendre tous les risques comme ça... Mais 2 ans et demi... Alors non, le problème sérieux, c'est les rayons cosmiques. Alors rayons cosmiques, c'est l'inverse. Il y en a tout le temps. Là, j'ai dit c'était sporadique. Là, il y en a en ce moment, on en reçoit. Ils viennent de toutes les directions. Le flux n'est pas très intense, mais par contre, il y a des particules extrêmement énergétiques. Les rayons solaires, disons, ça va jusqu'à 100 ou 200 mégaélectronvolts. Les rayons cosmiques, ça peut aller jusqu'à 20 gigaélectronvolts. On a même détecté une particule cosmique qui avait la même impulsion, la même puissance de choc qu'une balle servie par un tennisman. Ah oui. Bon, c'est exceptionnel. Ah, c'était beau. 200 km/h, disons. Oh là, d'accord, ouais, c'est Nadal, là. Bon, donc ça, c'est très dangereux, par contre, parce que ça, alors, sur le moment, vous ne sentez rien. Ça ne produit pas d'effet, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, dans l'immédiat. Par contre, ça va vous donner des problèmes divers, dont le plus grave peut être une augmentation du risque de cancer au bout de 10, 20, 30 ans. De l'ordre de 3%. Hein. Voilà. Alors, il y a beaucoup de gens qui agitent ce problème en disant on ne peut pas y aller, c'est trop dangereux. En réalité, si on regarde, si on estime la dose totale reçue pendant une mission de 2 ans et demi, donc aller, séjour plus retour, on trouve que les normes, les règles émises en 1995 au plan international pour la station spatiale ne sont pas outrepassées. Ces normes indiquent, comment ça se fait ? Oui, d'accord. Elles donnent des limites en termes de dose mensuelle, annuelle, durant une carrière, suivant l'âge et suivant le sexe, sachant que les femmes sont plus sensibles. On le savait déjà. Mais on le savait, bien sûr. La science le confirme. Et donc, cela étant, il faut dire qu'il y a certains effets biologiques qu'on connaît pas bien, en particulier l'effet des ions lourds. Il y a dans les rayons cosmiques, par exemple, des noyaux de fer qui arrivent avec des très grandes énergies. Et ça, on n'a pas ça sur Terre. Toute l'expérience qu'on a des effets des rayonnements ionisants, c'est Hiroshima et les accidents nucléaires. Et on n'a pas ces ions très lourds. Donc on s'en est désintéressé pendant 40 ans. Je me demande bien pourquoi. Et maintenant, ça y est, depuis 3 ans, la NASA a créé un labo spécial pour étudier les effets biologiques de ces rayons qu'on estime dangereux. De ces rayonnements très particuliers, voilà, qu'on pourrait rencontrer dans l'espace avec des mais ions. Mais pour s'en protéger, il n'y a pas grand-chose à faire, parce qu'il faudrait carapaçonner tout le vaisseau d'une épaisseur d'eau, par exemple, de 30 cm. Si on mettait une épaisseur d'eau de 30 cm tout autour, on diviserait par 2 la dose. Ce serait intéressant, mais ça ferait des dizaines de tonnes de flotte. Ah oui, ça fait de la masse, ouais. Ça fait énormément de masse quand même. On va s'arrêter une seconde sur une image. Où est-ce qu'il est, mon ascenseur? Voilà, il est au verso de la voile solaire. Qu'est-ce que c'est là, cette chose extraordinaire? Donc, ce qu'on peut regarder, c'est le dessin en haut à droite qui s'intitule, enfin, dans lequel il y a écrit Crédit Antigravité à Sames. C'est le monsieur qui a fait le dessin. Très bien. Pour le CNES. Pour le CNES, d'accord. C'est une image de CNES, ça. Qu'est-ce qu'on voit là ? Alors, en fait, on voit donc un ascenseur spatial, donc qui est positionné sur le plan de l'équateur, puisque en fait, l'ascenseur spatial, il permettrait d'emmener un satellite depuis le sol jusqu'à l'orbite géostationnaire. Donc, en fait, c'est un câble. Donc, on se passe de lanceur là. On se passe de lanceur. On se passe de lanceur, on envoie le satellite depuis une sorte de tour. Enfin, en fait, on l'envoie pas, on le fait grimper. Donc en fait, il y a une cabine d'ascenseur qui monte le long du câble. Et ce câble, en fait, il va au-delà de l'orbite géostationnaire. Il a un contrepoids, l'idée étant que le centre de gravité soit au niveau de l'orbite géostationnaire. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment très très loin là pour le coup. Parce c'est 36 000 km. Oui, l'orbite géostationnaire, c'est 36 000 km. Et donc, il faudrait que le contrepoids il soit à 72 000 km ? Pas forcément, parce qu'on peut mettre un gros contrepoids qui soit plus près. Ah oui, ok. Mais de toute façon, ça voudrait dire... Donc, alors, les idées pour déployer un tel câble, c'est d'envoyer quelque chose directement en orbite géostationnaire qui déploierait, en fait, un premier câble... Jusqu'au sol, et ouais. Puis bon, le contrepoids de l'autre côté, enfin, un premier contrepoids. Et puis après, en fait, On redescendrait, on mettrait un deuxième câble, etc., etc. On tisserait en fait notre câble hein, à coups d'aller-retour jusqu'à ce qu'il soit suffisamment gros, suffisamment solide pour pouvoir supporter une cabine. Mais là, c'est pas un simple câble là. Hein. C'est carrément vachement instrumenté. On dirait vraiment une tour sur le dessin. Il y a des rails. Mais c'est à ça que ça ressemblerait votre câble, votre ascenseur? En fait, le câble lui-même, c'est plutôt un bandeau et qui serait constitué de nanotubes de carbone. Le câble serait constitué de nanotubes de carbone, oui. Alors, sauf si on trouve quelque chose. Parce que les nanotubes de carbone, c'est très léger et c'est très résistant à la traction. Et par contre, bon, le problème aujourd'hui, c'est que les nanotubes de carbone, on s'en fabriquait de quelques centimètres. Donc avant de faire un câble de 36 000 km, bon, bah voilà, hein, ça dit tout hein, sur là où on est. En plus, il y a la question du fait que les nanotubes de carbone, c'est quand même des nanoparticules qui peuvent potentiellement rentrer dans les poumons, etc. Même plus loin que les poumons, hein, jusque dans l'ADN. Donc c'est type amiante. Donc du coup, c'est quelque chose qui potentiellement pourrait avoir un coup d'arrêt, voilà. Mais disons que, en fait, pour réussir à faire un ascenseur spatial, une des clés, c'est un matériau qui soit ultra, ultra léger et qui résiste à des tractions absolument gigantesques. C'est pour quand, c'est l'ascenseur spatial, Richard Edman? Moi, je préfère pas en parler parce que j'y crois pas du tout. Ah oui, pourquoi pas? L'idée, au plan mathématique, si vous voulez, si on fait des équations, ça marche. Mais le problème, comme me disait Elisa, c'est que pour arriver à faire quelque chose qui tienne, on a besoin effectivement d'une performance mécanique du type nanotube de carbone. Oui, c'est ça. Donc, tant qu'on ne sait pas faire ça, c'est même pas la peine d'y rêver. Et le jour où on le saura faire, il y a tous les problèmes qu'elle a signalés de toxicité, de déploiement, parce que c'est des masses énormes. Alors, d'accord, après, on monte entre guillemets gratuitement, mais il faut déjà mettre en place le truc. C'est des masses énormes, à cause de la longueur, hein. Et puis en plus, le fait qu'il y a une cabine justement qui est sur ce câble et qui va venir solliciter ce câble, ça va potentiellement aussi dégrader les performances mécaniques du câble, etc. Il y a des problèmes de stabilité du câble, des problèmes de... Faut pas qu'il croise des débris, hein, donc il y en a hein, dans ces altitudes-là, donc faut qu'il soit capable de les éviter. Alors, oup, il fait du hula hoop pour essayer d'éviter les débris. Enfin, c'est... Voilà, il y a quand même pas mal de gros problèmes. Mais il y a un grand spécialiste ici, si vous avez plus de questions après, je pense que... Christophe Bonal, il est là avec nous ce soir et il pourra répondre aussi à des questions si besoin. Alors, il reste une dizaine de minutes avant qu'on se quitte. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Monsieur, là-bas, demande la parole, il ne l'a pas encore eu jusqu'ici. On vient de parler d'ascenseur spatial depuis la Terre. Bon, il y a quelques soucis. Il paraît qu'il y a des avions, qu'il y a des oiseaux, il paraît qu'il y a des nuages... mais quid d'un projet d'ascenseur spatial depuis la Lune, venant vers la Terre et attiré par un contrepoids qui est attiré par la Terre? Alors ce serait quoi exactement l'idée? Expliquez-nous. Mettre entre la Terre et la Lune une station qui permette de construire à moindre coût des vaisseaux permettant d'aller beaucoup plus loin. Alors donc à mi-chemin, donc sur une sorte de point de Lagrange. Oh là, un point de Lagrange, d'accord. J'imagine qu'il faut déjà aller emmener tout de quoi construire l'ascenseur spatial. Donc la problématique de la construction, elle est peut-être un peu plus simple que sur la Terre, sauf qu'il faut déjà emmener le matériel sur la Lune, ce qui coûterait très cher. Autant, à la limite, amener ce qu'on veut monter directement au point de Lagrange. Alors c'est quoi l'idée? Pour rappeler quand même ce qu'est un point de Lagrange. Alors le point de Lagrange, c'est un point où l'attraction de la Lune et de la Terre vont s'annuler. Et donc c'est un point d'équilibre, en fait... Entre la Terre et la Lune, un point qui est... Alors, il y en a plusieurs, hein, il y en a c'est cinq, un point d'équilibre gravitationnel, hein, voilà. Je suis autant attiré par la Terre que par la Lune à cet endroit-là. Donc, il y en a plusieurs, il y en a un derrière. Parce que, ce qu'il faut dire sur tous ces projets de stations, d'infrastructures lointaines pour, soi-disant, partir plus facilement parce qu'il y a moins de gravité. Par exemple, il y a des gens qui n'ont pas eu peur de dire que pour aller sur Mars, il valait mieux partir de la Lune. C'est plus facile, oui. Il y a moins de gravité. Oui, il y a moins de gravité. Mais il faut d'abord y aller sur la Lune. Ouais. Hein? Alors les gens ont dit, ben non, on va construire directement les fusées sur la Lune. Mais pour ça, il faut des moyens, il faut des outils, il faut des presses, des laminoirs, etc. Donc, c'est complètement aberrant, quoi. Et ce qu'il faut dire, c'est que pour toute infrastructure que vous mettez en place dans l'espace, telle que la station spatiale, par exemple, il y a le coût de mise en place, mais après, il y a le coût de maintenance. Et ces coûts de maintenance sont extrêmement importants dans l'espace. estimé à 20% du coût d'installation par an. C'est-à-dire tous les 5 ans, vous avez en gros remplacé l'ensemble. Donc le bilan économique est à regarder de très près quand même. Qui voudrait encore s'exprimer ? Monsieur, vous aviez une question ? Oui, c'était en fait sur un des projets précédents à propos de du projet d'envoyer des gens faire un vol transmartien, je crois qu'on pourrait l'appeler comme ça. Il y avait la question de la fiabilité du lanceur à supposer qu'il soit mis au point d'ici là. Je pense qu'on peut contourner en partie ça par le fait que dans ce genre de lancement, on part pas en vol direct, mais il y a une orbite parking autour de la Terre, et rien n'empêcherait de lancer le vaisseau vide à ce niveau-là et d'envoyer une navette quelconque, un Soyouz ou n'importe quoi, avec l'équipage, une fois qu'on est sûr que la première phase du lancement, qui est la plus délicate, a réussi. C'est en gros ce qui est prévu. Hein, donc on envoie d'abord le véhicule en orbite, qui vous enverra sur Mars. Oui. Hein, c'est ce qui pèse le plus lourd, etc. Mais une fois qu'on est sûr que tout va bien, on envoie un Soyouz. Ça a quelques décennies, ça marche bien, c'est fiable, on sait faire, on connaît. Non, mais c'est en gros ce qui est retenu. Hein. Contrairement à Apollo, où là on envoyait tout d'un coup, la théorie est effectivement aujourd'hui, c'est d'une part, dans un premier temps, d'envoyer le maximum d'infrastructures qui n'ont pas besoin de l'homme pour être installées en premier lieu, et de n'en envoyer l'équipage humain que dans une fenêtre suivante, une fois qu'on s'est assuré que tout est bien arrivé et fonctionne bien. Et dans cette deuxième phase, on peut également faire ce que vous dites, c'est-à-dire d'abord lancer en orbite terrestre le vaisseau lourd interplanétaire et envoyer un petit taxi, genre Soyouz ensuite, quelque chose de très simple et très fiable pour amener l'équipage. C'est certainement la façon la plus sûre de procéder. Dans la mission de Denis Tito, par contre, c'est pas ce qui est prévu. Il prévoit d'envoyer en injection directe. Ils font pas d'orbite parking. Ah oui, lui, il prend tous les risques. Pas d'orbite parking. Alors, il y a Robert Zubrin, donc, qui a fondé l'association Mars Society, qui a imaginé, donc, un scénario d'envoi d'hommes sur Mars. Et ce scénario, il s'appelle Mars Direct. Et la NASA s'est directement inspirée de cela à une époque, pour réaliser, imaginer sa propre mission de référence d'envoi de l'homme sur Mars. Alors, vous avez dit la première phase. La première phase, c'est on envoie tous les systèmes en orbite terrestre. Une fois qu'on est sûr que tout marche... On envoie un maximum d'infrastructures sur Mars. D'abord, oui, bien sûr. Oui. Ça, on ne l'a pas encore dit, mais j'allais le dire. Effectivement, donc ça, c'est les hommes... Quand ils vont partir, d'abord, ils sont autour de la Terre et puis ils partent depuis l'orbite terrestre. Mais avant ça, il y a eu d'autres phases. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a fait avant, alors? Alors, ça dépend des scénarios de mission, mais typiquement, on commence par envoyer le vaisseau de retour. On commence par envoyer sur Mars le vaisseau de retour. Inhabité, bien entendu, et réservoir vide qui se pose. Il y a un petit réacteur qui va fabriquer les ergols de retour. Et on envoie l'équipage dans son vaisseau interplanétaire que 26 mois après, une fois qu'on a vérifié que le vaisseau de retour était prêt pour assurer le retour. D'accord. Donc on envoie d'abord le vaisseau de retour, et puis 26 mois après, on envoie l'équipage. Le gros bonus de cette affaire-là, c'est là qu'il y a une astuce aussi, c'est que en même temps que vous envoyez l'équipage dans son habitat interplanétaire, vous envoyez le vaisseau de retour de la mission suivante. Ah oui. Si bien que si jamais ils ont un problème avec leur vaisseau de retour, ils pourront utiliser celui de la mission suivante. C'est ce que j'appelle une redondance gratuite. C'est-à-dire, avec ce schéma très astucieux, vous obtenez une redondance gratuitement sans être besoin de doubler les équipements. Et ça, effectivement, c'est le génie de cette conception qui a été effectivement adoptée par la NASA. Ils peuvent pas s'empêcher de faire des choses compliquées, hein. C'est les Américains. J'ai l'impression que vous le regrettez. Ben oui, je le regrette parce que déjà ils sont passés de 4 à 6, comme je vous disais tout à l'heure. 4 à 6 membres d'équipage. Voilà. Justifie quand même pourquoi. Oui, bien sûr. Non, c'est quoi la raison? Ben, c'est beaucoup mieux parce que au point de vue du spectre des compétences, ouais. Vous avez un géologue, un biologiste, un médecin, un ingénieur, un informaticien. Vous avez tout ce qu'il faut, si vous voulez. Mais au point de vue du coût, c'est pas optimal. Et puis surtout, ils ont compliqué aussi le mode de retour. C'est-à-dire que, au lieu de faire un retour direct depuis la surface de Mars jusqu'à la Terre, ils font un retour de la surface de Mars en orbite de Mars, où les attendent un vaisseau avec lequel ils vont faire rendez-vous qui va les ramener vers la Terre, à la mode Apollo. pour des raisons de sécurité, parce qu'ils disent que si on a un problème et qu'on n'a pas envie d'atterrir, au moins comme ça, on n'est pas obligé. Tandis que dans le cas, évidemment, dans le cas de Zubrin, comme le vaisseau de retour est déjà sur Mars, ils sont obligés d'atterrir pour revenir, quoi. Donc voilà la raison. Mais le résultat, c'est que ça donne quelque chose de beaucoup plus cher et beaucoup plus compliqué. Et ils ont pris la propulsion nucléaire thermique. En plus. Donc, mais bon, y a la première version de la mission de référence NASA a été éditée en 93, donc 3 ans après Mars Direct. Et on en est à la 5e, qui date de 99, quelque chose comme ça, oui. Ou même un peu après. Et au fur et à mesure, c'est de plus en plus compliqué. C'est incroyable. Ah ouais. Et ça pèse de plus en plus lourd. Alors maintenant, ils en sont, dans la dernière version, hein, pour faire la mission, il faut 7 lancements du nouveau lanceur type Saturn V. Ah oui, d'accord. Bon. Et quand on discute avec eux, c'est complètement aberrant. Ils ont, à chaque fois qu'il y a une petite difficulté, ils disent ça, on ne sait pas le faire, donc on va prendre 40% de marge. Alors évidemment, ils tuent le projet, quoi. Mais je crois que 40% de marge en masse sur le problème. Oui, sur le problème. Oui. Mais je crois que ça répond à un objectif politique. Enfin, là, je vais faire un peu de politique. Aïe. Je pense que c'est le gouvernement américain, enfin, le président Obama, qui n'a pas envie de se lancer là-dedans parce que ça va coûter trop cher et il n'est pas sûr d'y arriver. Donc, il dit, oh là là, on n'est pas prêt. Donc, il faut d'abord faire de la technologie, c'est-à-dire dépenser moins d'argent. Et pour justifier ça, il demande à ses ingénieurs d'exhiber des projets infaisables. Enfin, c'est ma théorie. C'est une théorie. D'accord. Très bien. Alors, je ne sais pas qui enverra des hommes sur Mars. On parle beaucoup de la NASA, des États-Unis. On aurait peut-être pu évoquer l'Europe et peut-être la Chine, peut-être l'Inde dans les décennies à venir. C'est ce dont on parlera mardi 18 juin. C'est le prochain mardi de l'espace. C'est à 19h30. Chine, Inde, que veulent les nouvelles puissances spatiales? C'est le sujet dont on parlera, et surtout on se demandera aussi de quoi sont-elles capables, où est-ce qu'elles vont nous emmener au niveau spatial, et puis est-ce qu'il n'y a pas un nouveau space race, une nouvelle course à l'espace qui ne va pas se mettre en place dans les décennies à venir. On verra ça ensemble. Un autre petit message avant de se quitter, je voulais vous signaler ce livre. Il s'appelle « Embarquement pour Mars, 20 défis à relever ». 20 défis à relever, embarquement pour Mars, il vient de sortir. Et à l'intérieur, on trouve, entre autres choses, les signatures d'un certain Richard Redman et d'une certaine Elisa Cliquet. Voilà, dans lequel vous vous exprimez non pas en tant que CNES, mais en tant que passionné du spatial. Hein, il faut quand même le spécifier. Et ce livre-là, Richard Redman vous l'a apporté. Si vous avez envie de le feuilleter, vous êtes les bienvenus. Et puis de l'acquérir, c'est également possible auprès de Richard Redman. On a compris, je crois, à la fin de cette soirée que il y a beaucoup d'idées, il y a un foisonnement d'idées. On a envie, la théorie est avec nous. On ne sait pas toujours faire, mais en tout cas, l'envie est là. La propulsion chimique a encore quelques beaux jours devant elle et elle peut nous apporter des surprises et même un jour peut-être nous emmener sur Mars. Merci infiniment Richard Redman et Elisa Cliquet. Au bar des sciences, chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée.